Donc je voudrais vous dire qu'en Pologne, on a voulu retirer l'IVG et que la rue a fait qu'il y est revenu. En Espagne, on a voulu faire marche arrière et la rue a fait que l'IVG est resté autorisé. Pour le moment, en Turquie, Erdogan voulait qu'on autorise le mariage des femmes violées et la rue a fait qu'on a refusé. Donc ne baissons pas les bras, c'est aussi à nous de nous mobiliser. Micro ouvert. Viens la main. C'est pas là? Non. Viens la mère des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Viens la mère des pauvres. Quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Viens la mère des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, ben y aurait pas toute cette misère. Mère des pauvres, mère des pauvres, y'en a nanana, y'en a marre des pauvres, oh oui, marre des pauvres, y'en a nanana, oh, y'en a marre des pauvres. Ils enrichissent les riches, du coup faut pas qu'ils s'étonnent, mais ils sont toujours aussi pauvres. Mère des pauvres, ils font chier, ils sont maigres. Mère des pauvres, ils font chier, ils mangent encore plus mal que nous. Y'en a marre des pauvres. Les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement, les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Indemnisation chômage, allocation familiale, logement HLM, la France est championne du monde des dépenses sociales. La CAF nous propose 300 euros de prise en charge. Vous connaissez beaucoup de personnes qui diraient non, pas pour moi. Le moindre sou est un sou. Il y a ceux qui en ont vraiment besoin. Une demande pour un lave-linge pour un montant de 792 euros. Toute seule, c'est sûr que je ne peux pas me payer tout ça, quoi. Il y a ceux qui pourraient s'en passer. Et enfin, il y a ceux qui fraudent. Vous imaginez, depuis plusieurs années, que vous touchez du RSA sans avoir déclaré de salaire alors que vous en aviez? C'est les tricheurs, pas de doute. Aide sociale, la France est-elle trop généreuse? C'est l'enquête de Capital, ce dimanche à 20h55. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé d'envoyer le feu divin sur les évadés fiscaux en légalisant les écoutes téléphoniques, les infiltrations et les sources illicites. Marion Maréchal Le Pen. Alors, prenant acte de votre détermination, j'aimerais attirer votre attention sur un autre type de fraude dont le gouvernement n'a pas l'air de se soucier. Je veux parler de la fraude sociale, c'est-à-dire le travail au noir, la fraude aux allocations familiales, à l'assurance maladie et aux retraites. Elle représente 20 milliards d'euros par an, selon le rapport de notre collègue Dominique Tian, publié en 2011. Soit jusqu'à deux tiers des augmentations d'impôts votées l'an dernier. Elle s'accompagne d'une montée inquiétante des réseaux organisés et des filières d'immigration sanitaire et sociale. Sous prétexte de ne pas stigmatiser, vous laissez s'instaurer l'impunité et l'injustice au profit des professionnels de l'arnaque. Ma question, Monsieur le Ministre, en tant que grand argentier de l'État et en y associant Madame le Ministre de la Santé, comment pouvez-vous ignorer le scandale de la fraude sociale quand vous en demandez sans cesse plus aux classes moyennes qui sont tout juste bonnes à payer pour vous, pour le fraudeur, le casseur et le polygame? Très bien. Voilà ce que vous défendez toutes les deux. Hein, les fraudeurs, les casseurs et les polygames. Et vous deux, c'est Claire Hédon, qui est présidente d'ATD Carmonde, accessoirement journaliste à RFI un petit peu. Et puis Malika Desediri, qui est porte-parole de l'APES, Association pour l'emploi, la formation et la solidarité des chômeurs et travailleurs précaires, depuis de nombreuses années. Voilà ce que vous défendez, voilà ce que vous faites à la France, quand même. Hein, c'est quand même les fraudeurs, les casseurs, les polygames. Ça surtout tout... les polygames. Oui, c'est ça. C'est quand même... Vous avez une petite faiblesse pour les polygames. Tout ah. Voilà, c'est ça, quand même. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, bon... Voilà. Et alors, j'ai celui qui évoquait Capital, un journal qu'il faut absolument lire. Et là, j'en ai un autre sous les yeux, qui est tout à fait récent, qui est du mois d'août dernier, qui s'appelle Les Assistés, comment ils ruinent la France, enquête sur le pays des mille et une allocs. Alors, il y a un fromage, vous voyez des espèces de gros gruyères, là, on y va carrément, hein. Valeurs actuelles, on y va carrément. Donc, le gruyère, le fromage, c'est le CMU, RSA, AME, APL, ARS. Voilà avec quoi les pauvres s'enrichissent, cette bande de feignasses molasses que vous défendez. Alors, on rigole, mais c'est pas si rigolo que ça. Claire est donc avec ATD Carmonde, vous republiez. Oui, c'est une nouvelle édition. Nouvelle édition. Mise à jour, avec des chiffres mis à jour, ouais. Qui nous permettent de dire que tout ce qui vient d'être dit est faux. C'est ça. Et c'est très efficace, ce petit bouquin. En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, on l'ouvre à peu près n'importe où et on entend une connerie qu'on a l'habitude d'entendre n'importe où, à longueur de journée, dans un dîner en famille, par exemple. Si on veut travailler, on trouve. Alors, j'ai envie de réagir sur plein de choses qui a été dit avant, parce que c'est honnêtement, c'est insupportable. Je n'arrive pas à ne pas m'énerver sur ces questions-là. Valeurs Actuelles, dans son magazine, a dit simplement, c'est des journalistes qui disent des choses fausses. Non. Si, absolument. Oh. Les chiffres qu'ils donnent sont faux. Donc, je ne sais pas comment on travaille dans ces conditions, mais c'est insupportable, la façon de faire, de mettre les assistés comme ça. Mais en plus, les chiffres qu'ils donnent sont faux. Le 20 milliards que cet élu sort en pleine Assemblée nationale, l'essentiel de la fraude sociale, c'est de la fraude employeur de non-déclaration de salariés. Donc, c'est absolument pas de la fraude aux aides. Je vous donne un seul chiffre. Sur la fraude au RSA, détectée en 2012, c'est 100 millions d'euros. Je vous donne un autre chiffre en parallèle, la fraude fiscale détectée, hein, je vous donne la détectée. Elle est de 3,8 milliards pendant ce temps-là. Donc on va arrêter de parler de cette fraude des pauvres. Le Conseil d'État en 2012 avait dit « la fraude des pauvres est une pauvre fraude » parce qu'elle est minime. Mais comment on fait là ? Parce que, Daniel, je pense que vous êtes convaincu de cette question-là. Mais maintenant, comment on fait pour convaincre l'ensemble de la population et de ne pas parler qu'entre nous de toutes ces erreurs qui sont dites ? Et du comment, pour les plus pauvres, ça fait du mal. Vous parliez du travail. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est facile de trouver du travail quand il y a 3,5 millions de chômeurs de longue durée, quand simplement il n'y a pas d'emploi ? Donc comment on peut dire que les gens ne cherchent pas du travail ? Nous, ce qu'on voit au quotidien à TD Carmonde, c'est des gens qui donneraient n'importe quoi pour travailler. Ils veulent travailler. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un moyen d'être inséré dans la société, de donner du sens à ce qu'on fait. Donc les gens veulent travailler, mais il n'y a pas de travail. Et puis alors en plus, je pense qu'il y a une forme de discrimination, c'est-à-dire que les gens les plus exclus, les plus pauvres, eh ben, je ne suis pas sûre que les employeurs, ce soient les personnes qu'ils aient envie d'embaucher. Enfin quand même, Claire, les gens qui vivent dans la rue, ils l'ont choisi. Oui, alors ça... Ben non, mais moi, vous lisez. C'est insupportable. Moi, il y a 150 000 à 200 000 personnes sans domicile qui sont dans la rue. Dans une société riche comme la nôtre, parce qu'on est quand même en France dans une société riche, c'est absolument inadmissible. Il y a combien de logements vacants pendant ce temps-là ? Je crois que c'est 3 millions, le chiffre. 2 600 000. 2 600 000 logements vacants dans notre beau pays. Ne dites pas qu'on n'a pas les moyens financiers que ces 150 000 à 200 000 personnes qui sont à la rue soient logées et vivent dignement. Il y a 3 millions de personnes qui vivent dans des logements indécents. Donc ce qu'on vient d'entendre, ça se passe en France. Mais en Belgique, c'est pareil. C'est la même idée. En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, donc c'est ATD Carmonde France qui diffuse ce petit bouquin que je n'ai pas encore sous la main, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien fait, mais ça vaudrait la peine de le faire version belge, quoi. En Belgique, un petit bouquin qui arrive un petit peu à essayer de voir cette espèce de mécanique qui se met en place chaque fois qu'il y a une crise économique, sociale, qui se met en place. Alors, il y a plein d'idées reçues sur les pauvres qui se répandent, vous savez. Vous m'avez compris, j'espère. Et donc, je suis allée voir ATD Carmonde Belgique, et il y a un communiqué de presse qui date du 10 décembre 2016, et qui pose la question « Les droits de l'homme menacés en Belgique ?» Point d'interrogation. Alors, de plus en plus considérés comme paresseux de nature et fraudeurs potentiels, les très pauvres payent le prix fort des préjugés, et en particulier dans le domaine des droits de l'homme. On ne le chuchote plus, on le dit haut et fort. Ils usent et abusent d'un système social financé par le travail des autres. Et pourtant, les files grossissent chaque année devant les lieux distribuant des repas et des colis alimentaires. N'ayant plus les moyens d'accéder à un logement digne, beaucoup sont contraints d'habiter des logements vétustes, avec le risque permanent de se faire expulser pour cause d'insalubrité. Quand on accuse les pauvres d'être des profiteurs, on passe sous silence que les allocations de chômage forfaitaire ou le revenu d'intégration sociale sont inférieurs au seuil de pauvreté. Quand on accuse les pauvres d'être des profiteurs, on passe sous silence que les allocations de chômage forfaitaire ou le revenu d'intégration sociale sont inférieurs au seuil de pauvreté. Prévenons les abus et vérifions davantage, tels sont les maîtres mots invariablement décliné par les autorités qui soumettent les pauvres à des contrôles toujours plus stricts à la limite du respect de leur vie privée. Je ne vais pas lire tout le communiqué de presse, je vous invite à aller jeter un œil. Maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons, de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange, kilo de lait, kilo de l'ange, et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire, j'espère que tout ça va tenir sur mes épaules, pas bien carrées, mes épaules, pas bien gaulées, pas baraquées, pas balèzes. Partie 2, l'IVG du code pénal en Belgique, sortir l'IVG du code pénal en Belgique. Deuxième partie, et c'est vraiment intéressant, il y a vraiment des paroles intéressantes parce qu'il y a l'avocat qui parle, il y a le gynécologue qui parle, il y a le médecin, l'assistante sociale, la directrice d'un planning familial. Donc ça vaut vraiment la peine d'entendre des paroles comme ça du terrain. Dire que si vous voulez écouter la partie 1, eh bien il y a un site qui s'appelle microouvert.be, donc les deux os se touchent, microouvert.be, et que, ben, en tout cas, moi, j'y vois un peu plus clair, du coup, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, c'est un truc pas marrant, je sais. C'est pas une question d'être pour un truc pas marrant ou contre un truc pas marrant, vous voyez, c'est bien plus profond que ça. Voilà, je vais demander au prochain témoin de venir me rejoindre. Alors, monsieur Jean-Louis Gillissen, je vais, comme dans les bons repas, vous avez vos places. Comme ça, je m'y retrouve. Mais venez ensuite me rejoindre. Claudine Mouvet, bien sûr. Monsieur Gillissen, madame Mouvet. Alors ici, Chloé Colette. Nous aurons aussi Yannick Manigard. Et le docteur Corinne Bouart. C'est comme ça que je prononce bien ? Bouart. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous avez chacun un micro ? On est peut-être un peu loin. On va se rapprocher pour que tout le monde ait des micros, en tout cas, pour pouvoir se les passer. Je voulais commencer avec le point de vue de l'avocat, monsieur maître Jean-Louis Gillissen. Vous pouvez attraper votre micro. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Si on applique alors cette loi dans la pratique, qu'impose-t-elle ? Si on la reprend sous les yeux, est-ce qu'on peut préciser quelques points ? Parce qu'il y a des mots comme ça qui effraient presque. 12 semaines, adoption, risques psychologiques et sociaux, détermination de la femme. Qu'est-ce que sur le terrain ça implique en termes de loi ? Ça implique à l'évidence une énorme dépendance des femmes à l'égard du milieu que j'ai qualifié de médical au sens large. Ça implique surtout qu'en Belgique, il n'y a pas de droit d'avortement. En Belgique, nous avons d'abord et avant tout un délit. L'avortement est un délit, que les choses soient claires. Et si l'on peut, dans certains cas, avorter, ce n'est pas un droit, c'est une justification. Autrement dit, vous avez un délit qui, à un moment donné, je suis désolé, Madame Vercheval, vous avez dit votre aversion pour les juristes, hein, je sais que je risque, l'avortement en Belgique est interdit. C'est un délit, et il peut simplement être un délit qui est justifié. C'est une cause de justification. Si vous vous trouvez dans un ensemble de conditions qui, lorsqu'on reprend la loi, est une sorte de parcours du combattant en réalité. La première condition, vous la connaissez tous, ce sont les fameux 12 semaines, qui est une première condition qui est quand même terrible. Si effectivement vous n'êtes pas éduqué, s'il n'y a pas d'éducation sexuelle à la clé, ou en tout cas une éducation sexuelle qui n'est pas de qualité, s'il y a de la négligence, et nous savons que nous pouvons tous être négligents, très très vite on peut se retrouver dans une situation qui va empêcher une IVG, tout simplement. Vous n'êtes pas dans les délais. Il y a l'obligation de passer par un médecin, c'est évidemment excellent, il faut que ce soit dans des conditions sécurisées, médicales sécurisées, mais ce médecin lui-même n'est pas libre d'agir comme on pourrait l'imaginer. Il va y avoir tout un ensemble de délais, le fameux délai de 6 jours, de conditions qui vont faire qu'à un moment donné, on va enfin pouvoir passer à une hospitalisation et une intervention. Et donc, la difficulté aujourd'hui en Belgique, c'est d'essayer de créer un droit à l'avortement. Et je pense que ce que nous sommes occupés à vivre est extrêmement intéressant, parce que c'est une révolution culturelle. Mais permettez-moi, donc on parle bien d'infraction pénale, c'est bien cela. Néanmoins, dans les pratiques, il n'y a eu, je pense, qu'un cas de poursuite depuis 90. Donc le danger est plutôt que, imaginons qu'un ministre de la Justice veille à faire appliquer la loi, là on entrerait dans de grandes difficultés, c'est bien cela? Oui, en fait il y a eu un dossier en Flandre, le délai de 6 jours n'avait pas été respecté, les médecins ont pris leurs responsabilités et ils ont permis à une jeune adolescente de 14 ans d'être avortée dans des conditions médicales excellentes. Et on a trouvé des magistrats dans ce pays, ce qui est quand même affolant, pour poursuivre, mettre à l'audience, demander une peine contre ces médecins qui avaient permis d'éviter une véritable catastrophe. Et donc, oui, c'est le danger. Je vais vous raconter simplement une petite histoire. Mais elle est très courte, elle est très brève. Et surtout, elle l'est vécue, elle l'est vraie. Je suis consulté par un psychiatre qui vient me dire, il vient de m'arriver quelque chose de terrible. Je suis une jeune femme, toute jeune femme, qui fait d'ailleurs l'objet d'un internement. Elle s'est échappée. Pendant 2 mois, nous perdons sa trace. On nous la ramène en 2 policiers comme un petit animal. Elle a vécu dans les bois en se nourrissant de racines. Enfin, je vous laisse imaginer. Et nous nous rendons compte que cette jeune femme est enceinte. Et qu'elle n'accepte pas le fait d'être enceinte. Qu'elle ne le comprend pas. Qu'elle ne saurait pas l'assumer. Et nous avons une réunion au sein de l'établissement. Et nous nous disons, mais ne devons-nous pas penser à un avortement? Elle ne saurait pas être maman. Et donc il décide, à tort ou à raison, chacun aura son avis là-dessus, et on sait que c'est un sujet sur lequel chacun peut avoir un avis particulier. Il décide de faire une démarche auprès du procureur général de la cour d'appel de l'endroit où les faits se passent. Le procureur général, paraît-il, est extrêmement attentif et a cette réponse. Non, je vous comprends, effectivement, c'est quelque chose de terrible. Si cette jeune fille fait l'objet d'un avortement, je vous poursuis. Et vous êtes dans un monde, aujourd'hui, je vous parle d'après l'année 2000, hein, je vous dirais même, il n'y a pas 5 ans. Je vous dirais même qu'il n'y a pas 3 ans. Mais voilà, comme ça, vous saurez tout. Bon. C'est terrible. Et vous vous dites, attendez, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des êtres humains qui sont capables d'avoir ce type de raisonnement, qui sont tout simplement ce type de raisonnement rendu possible parce que notre loi est ce qu'elle est. Et donc aujourd'hui, nous avons un ensemble de magistrats qui effectivement se montrent raisonnables, et c'est très bien, il ne manquerait plus que ça d'ailleurs. Mais demain, vous avez vu quels sont les résultats des votes autour de nous, dans les pays proches ou moins proches? Il n'y aurait pas besoin de changer un iota de la loi, et vous auriez une réinterprétation de certains concepts qui fait que nous serions occupés à vivre un recul exceptionnel. Exceptionnel. Et donc cette idée, je parlais tantôt de révolution culturelle, de dire mais au fond, l'IVG, faut-il voir cela par des lunettes à verre pénaux? Faut-il voir cela par un outil, par un prisme pénal? Ou faut-il au contraire aujourd'hui se dire non, c'est un problème de santé publique? C'est évidemment un problème de santé publique, il faut que l'IVG soit considéré non pas comme un délit, mais comme un acte médical, ce qu'il l'est, fondamentalement, foncièrement. Et il faut surtout que les femmes qui se trouvent dans une situation où elles considèrent qu'elles souhaitent avoir recours à l'IVG, sans état de dépendance, état de faiblesse, ou hein, vous connaissez les critères légaux, puisqu'il y en a un, hein, cette fameuse critère de détresse qui, pour l'instant, aujourd'hui, heureusement, est vidé de son sens. Les magistrats ne s'occupent pas de cela. Mais demain, ça pourrait être différent. Hein. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler brièvement ce que doivent faire les médecins lorsqu'ils reçoivent, donc selon la loi, une jeune femme, une femme qui est en demande d'avortement, légalement, pour ne pas avoir de poursuite, pour faire vraiment le travail tel que la loi l'oblige? Il y a donc évidemment vérifié qu'on est dans un délai qui, je répète, est au moment où on pratiquera l'avortement au maximum 12 semaines. Il y a tout un discours à tenir, tout un ensemble d'explications à donner. Il faut que la personne fasse l'objet d'une hospitalisation dans un établissement de soins tout à fait spécifique. Là, à nouveau, il y a un ensemble d'obligations, de conseils qui vont être donnés. Il y a enfin ce fameux délai de 6 jours. De 6 jours entre la première visite. Entre la première et la seconde. Visite et la seconde, des décisions écrites, effectivement, que l'on passe à cet avortement. Et comme si ce n'était pas encore assez, le risque d'être culpabilisé par un ensemble de conseils que l'on peut donner ensuite. Il y a encore un petit peu plus si le médecin considère qu'il faut effectivement l'intervention d'un service particulier d'ordre social ou psychologique. Mais grosso modo, voilà, oui. Tiré à grands traits. Hein, j'ai envie de demander à votre voisine Claudine Mouvet, vous êtes donc directrice du planning familial Louise Michel à Liège, est-ce que concrètement sur le terrain, vous faites cela? Ou est-ce qu'on peut dire tout de même que vous faites un peu de désobéissance civile? Alors concrètement, on fait ça dans la mesure où on reçoit les femmes, effectivement, où il y a un délai de 6 jours entre la première demande autour d'un avortement et la réalisation de l'avortement. Donc si on est un peu juste dans les délais entre le moment où la femme arrive au centre, mais qu'on a un papier de son médecin traitant qui a fait une prise de sang, ou bien on sait qu'elle a pris rendez-vous, en réalité son coup de téléphone date d'il y a 10 jours. La notion de délai, on ne fait strictement rien d'illégal, mais nous interprétons parfois que la première demande, c'est au moment où la femme téléphone pour prendre un rendez-vous. Elle a déjà exprimé un désir d'interrompre la grossesse. Donc par rapport à ça, voilà comment on fonctionne. Pour le reste, effectivement, donc nous sommes un centre extra-hospitalier, il n'y a pas d'hospitalisation, mais la démarche de dire qu'il y a un premier accueil, un premier rendez-vous d'entretien et une semaine après la réalisation de l'intervention, c'est effectivement, on s'y tient. Et l'état de détresse, comme vient de le dire monsieur, ce qui est très pratique, c'est que ben, tout le monde est en détresse. Si vous êtes dans un état de grossesse et que vous ne souhaitez pas le rester, ben, c'est une détresse. Donc par rapport à ça, c'est facile. Oui, bien sûr. Et mais alors, est-ce que l'on peut dire que c'est difficile sur le terrain, dans votre travail, de jongler entre le respect de la loi, mais aussi de respecter la femme qui est au centre du débat? Est-ce que parfois, on n'a pas tendance à mettre la focale sur la loi plutôt que la femme? Et donc, est-ce qu'une sortie de l'IVG du Code pénal faciliterait votre travail de tous les jours? Alors, je pense d'abord que dans tous les centres extra-hospitaliers qui sont affiliés au GACEPA, et de façon générale tous les centres extra-hospitaliers, le principe fondamental, c'est que c'est la femme qui décide. Donc nous n'avons pas d'avis à donner, nous n'avons pas à intervenir, le mari n'a pas à intervenir, les parents n'ont pas à intervenir. Donc leur avis peut nous intéresser. On peut évidemment recevoir le mari qui accompagne la femme qui vient demander l'avortement. Mais c'est clair que pour nous, au niveau de la légalité, dans la façon dont nous fonctionnons, c'est toujours la femme qui est au centre de nos préoccupations et c'est la femme qui décide. Donc on ne va pas plier des choses, on ne va pas... Alors oui, c'est vrai, il y a des questions de délai pour l'instant, par exemple, si on est au-delà de 14 semaines, mais là, je dirais que chez nous, ce n'est pas tellement une question légale, c'est aussi une question médicale. On estime que dans un centre extra-hospitalier, moi, j'assiste les médecins qui font l'avortement, je suis psychologue, si quelqu'un ne va pas bien, je peux lui tapoter sur la joue en lui disant « Madame, réveillez-vous, il n'est pas question que je lui fasse une intraveineuse ou même une intramusculaire. » Donc à partir du moment où le délai serait plus... on serait plus loin dans la grossesse, il n'y a plus médicalement la possibilité de prendre un avortement en charge dans un centre extra-hospitalier. À ce moment-là, on va renvoyer vers la Hollande. Et ça, c'est vrai que par rapport à certaines propositions de loi qui demandent que le délai soit allongé, ça pourrait être une solution. Parce que dans le temps, on avait des médecins d'hôpital avec lesquels on collaborait et le médecin prenait en charge dans son hôpital, il prenait l'IVG au-delà de 14 semaines. Dans l'état actuel des choses, c'est à peu près plus possible, puisqu'il faut l'avis de deux médecins pour une interruption de grossesse qui arrive après 14 semaines. C'est vraiment très très strict, et ça c'est vraiment une limitation qui est pesante. Est-ce que, par exemple, en matière de désobéissance civile, comme on le disait, les médecins qui sont chez vous et qui reçoivent les jeunes filles sont tenus, devant la loi, mais le docteur Bouard nous en dira un mot, de proposer, par exemple, à l'adoption l'enfant à naître? Écoutez, ça, très sérieusement, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a... C'est dans la loi, j'ai lu naïvement c'est dans la loi. C'est exact, c'est dans la loi, alors là, c'est clair que... Vous ne le faites pas, j'ai des collègues dans la salle, s'il y en a une qui a une fois dit à quelqu'un, madame, est-ce que vous avez pensé qu'en réalité, vous pourriez mener cette grossesse à terme et confier l'enfant en adoption? Enfin, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui venaient avec cette demande-là, mais proposer à quelqu'un qui vient demander une interruption de grossesse, je n'ai vu aucun bras se lever dans la salle de gens qui disent « Oui, oui, moi, strictement, chaque fois, je dis « Madame, avez-vous bien pensé à l'adoption ?» Non. Voilà, donc on est tous, enfin, vous êtes, nous sommes tous un peu hors la loi, alors, dans ce cas-là. Alors, autant sortir... Oui. Moi, je dois dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui... ça ne nous tracasse vraiment absolument pas. On est tenu d'informer la femme... Voulez-vous réagir, docteur Bouard? Vous pouvez prendre le micro. Je vous vois, vous voulez réagir? Non, on est tenu légalement à le faire, mais voilà, bon. Voulez-vous réagir? René, dites-nous. Ben, oui, je veux réagir contre un certain nombre de choses qui ont été dites et qui ne sont pas vraies. Donc, je ne suis pas d'accord qu'actuellement, c'est le parcours le du combattant. Le débat s'anime. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est le parcours du combattant en pratique. Il y a des centres extra-hospitaliers qui font des IVG. Je travaille dans un centre, donc c'est vrai que je suis chargée de cours à l'Université de Liège, médecin généraliste, je donne des cours sur l'IVG à l'Université de Liège. Je suis malheureuse quand on dit qu'on ne parle pas de l'IVG à l'Université de Liège, c'est faux. Il y a des médecins généralistes qui font des stages pas dans nos centres. Pas suffisamment, dit Mme de Freyne. Pardon ? Pas suffisamment. Oui. Oui. Mais il y a des efforts qui se font et on... Voilà. Non, pas à Liège. Je pense qu'il y a de plus pas en de plus pénurie de médecins à Liège. Alors. Je pense que les centres IVG recrutent des médecins pour faire des IVG à Liège, dans le centre où j'ai travaillé à Serein, chez toi aussi à Louise Michel. Alors, ce serait un faux débat. Ça pourrait. Non, je ne pense pas que c'est un faux débat. Je pense qu'à l'échelle du pays, et je pense que notamment à Bruxelles, c'est probablement vrai. Attends, je vais quand même t'interrompre pour dire que là, au niveau de la pénurie, c'est quand même clair que dans tous les centres liégeois que je connais, il y a des consultations qui sont supprimées pendant les périodes de vacances, oui, qui sont supprimées pendant les congés de maternité des médecins, supprimées à toutes sortes, il y a toutes sortes d'occasions. Donc on aimerait bien être plus nombreux, ça oui. C'est clair, je suis bien d'accord. Mais de dire qu'il n'y en a pas, non, et il y a beaucoup de jeunes médecins, de jeunes collègues généralistes qui font des stages dans nos centres planning IVG et qui nous rejoignent pour faire des IVG. Donc voilà, il ne faut pas être caricatural par rapport à ça, je pense. Je ne pense pas qu'actuellement en Belgique, ce soit le parcours du combattant. Il y a assez bien de centres IVG. La plupart des avortements sont faits dans les centres extra-hospitaliers. Je pense que les femmes sont bien accueillies. Je pense qu'on fait des accueils qui sont déculpabilisants. Bien sûr, il y a des cas, il y a des exceptions. Le cas que vous signalez de cette jeune fille pourrait parfaitement, je pense que ce sont des médecins qui n'ont peut-être pas pris leurs responsabilités, je pense que les médecins, le psychiatre dans ce cas-là, peut considérer qu'il s'agit d'un avortement, donc d'une interruption médicale de grossesse, pour raison psychiatrique. Donc ça existe, c'est possible, je le sais, parce que j'ai participé à l'envoi de certaines patientes pour des motifs psychiatriques. Donc ça peut se faire. Voilà. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est le parcours du combattant. Ceci dit, évidemment, moi, j'aimerais bien que l'avortement soit hors du code pénal, bien entendu. Je fais des avortements depuis 1979, donc dans la plus parfaite illégalité. Je suis une des fondatrices du collectif contraception de Serein. Je tiens quand même à dire aussi que la loi de 1990, elle est loin d'être parfaite, on est d'accord, mais ça nous a quand même considérablement simplifié la vie. Hein. Et je pense aussi pour l'énorme majorité des femmes belges qui se sont retrouvées prises en charge dans le cadre de cette loi. Et je pense que cette loi a prévu un certain nombre de procédures comme on faisait déjà, nous, dans les centres IVG avant. Et notamment le délai de réflexion. Je pense qu'il ne doit pas être contraignant, ce délai, mais ce n'est pas mauvais d'avoir quelques jours de réflexion. Il y a des femmes qui changent d'avis. Alors, on ne va jamais nous proposer, tiens, est-ce que vous n'iriez pas jusqu'au bout de la grossesse pour faire adopter votre enfant? Nous, ce qu'on comprend de ça, c'est, assurons-nous que c'est bien la décision mûrement réfléchie de la patiente. Mais c'est clair que dans les centres, il ne s'agit absolument pas de faire un accueil culpabilisant. Ça, on essaye de les déculpabiliser. Donc, voilà, je voulais apporter cette nuance et que la pratique sur le terrain est peut-être plus favorable. Ceci dit, c'est vrai que rien n'est jamais définitivement acquis et j'ai très peur, en effet, des menaces de recul par rapport à cette loi. Et quand je vois ce qui se passe en Europe, j'ai très peur. Et Trump et tout ce que vous voulez. Il y a eu des centres IVG qui ont été l'objet d'attaques par des mouvements pro-life. Je sais que parfois dans certaines écoles, les éducations à la sexualité, etc., ont été faites parfois par des gens qui, sous le couvert de venir parler de contraception sexualité, étaient en réalité, hein, vous savez bien ce fameux film Le cri silencieux, etc. Donc je sais qu'il y a eu ça dans les écoles. Donc ça, c'est très grave. Et c'est sûr que j'aimerais bien que le délai soit augmenté, je ne sais pas, jusqu'à 20 semaines. Voilà, il faut faire très attention avec les lois qui reconnaissent le statut juridique de l'enfant à naître. Je crois que là, on doit vraiment porter notre vigilance. Mais voilà, je voulais un petit peu nuancer la situation sur le terrain. Il faut bien s'entendre. Hein. Je vous ai dit que la loi comportait un parcours du combattant. Votre pratique, à toutes les deux, j'entends bien, assouplit la loi. Mais ça a été dit, ça a été rappelé tout à l'heure par Madame le Président du Sénat, hein, par Christine Defraigne. C'est vrai qu'une volée de conditions ont été mises dans cette loi dans le but de freiner, de retarder, de décourager. Et c'est la loi que je qualifie de parcours du combattant. Que votre pratique soit autre, je le sais et c'est très bien. Et donc nous vivons cette situation un peu schizophrénique où nous avons une loi qui non seulement ne donne pas de droit à l'avortement, mais même quand on veut le justifier, ce serait beaucoup plus difficile que ce que vous organisez, et je vous en félicite. Mais certains n'ont d'une pipe, pourquoi garder cette loi en l'état? Je suis tout à fait d'accord. Alors il faudrait... Je suis tout à fait d'accord. Donc personnellement, je trouve que ça ne doit pas se trouver dans le code pénal. Vous comprenez? Et si je ne pensais pas ça, je pense que je n'aurais pas commencé à faire des avortements à partir de 1979, ou 80, je ne me souviens plus. Mais voilà, je voulais juste mais docteur Bouard, ne pas avoir une vision caricaturale des choses. En tant que médecin, par exemple, on en parlait, la clause de conscience, il faudrait l'améliorer, par exemple, qu'elle soit individuelle et non institutionnelle pour un médecin pratiquant. Bien sûr, bien sûr. Mais disons qu'en pratique, pour le moment, ça va. Mais c'est évident que c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faudrait que le médecin qui ne veut pas le faire, évidemment que ce ne soit pas lié à l'institution, mais à l'individu, et qui est bien entendu l'obligation de renvoyer rapidement vers quelqu'un qui peut prendre en charge. Hein, un petit peu comme l'euthanasie, mais comme des tas d'autres choses qu'on fait en médecine. Donc si on ne veut pas le faire soi, ben, ok, mais on ne bloque pas la femme, ça bien sûr. Non, je suis d'accord qu'il y a des choses qui devraient changer dans la loi. Et d'abord, je voudrais qu'elle ne soit pas dans le même chapitre. Donc je voudrais que ça figure dans des lois plutôt sur la santé. Ça, on est bien d'accord. Avec Maître Gillissel, on terminera par cela. Ou voilà. D'accord. Voilà, je voulais juste... qui n'est pas une vision caricaturale de la situation sur le terrain. Je pense que c'est important aussi parce que si on veut avancer, on doit avancer avec une connaissance correcte de ce qui se passe, mm-hmm. avec un front relativement large et avec toutes les nuances requises. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais dire. Merci, docteur. Je voulais interpeller Chloé Colette. Vous êtes assistante sociale en planning familial à Fort Femmes à Liège. Quelles sont les entraves actuelles à cette loi de 1990 sur le terrain, dans la pratique de tous les jours ? Donc en fait, moi je voulais répondre à ce que vous veniez de dire. Il faut savoir que parfois les mots ont de l'importance et dans la loi, quand on parle d'état de détresse, il y a des femmes déjà qui sont venues nous trouver en nous disant « mais moi je ne suis pas dans un état de détresse, moi je sais ce que je veux ». Et donc parfois, elles se culpabilisaient, ça peut avoir un discours culpabilisant. Et parfois aussi par rapport au délai de réflexion, il y a des femmes... Moi ici, voilà, nous ne sommes pas un centre extra-hospitalier, hein, donc nous ne pratiquons pas l'IVG dans notre centre, mais nous réorientons vers le collectif contraception. Voilà, en fait, formation et de la formation. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, quand les femmes viennent à l'accueil en disant, mais voilà, faire un test de grossesse et qu'il s'avère positif et qu'elles décident de ne pas poursuivre cette grossesse, elles nous disent, je vais devoir attendre autant de temps, je vais devoir attendre 6 jours, qu'est-ce que je vais faire de ça, comment est-ce que je vais pouvoir supporter ça. Et donc, parfois, ce délai-là, pour elles, concrètement, est long et lourd à supporter. Parce que vous voulez dire que la femme est décidée et donc 6 jours de plus n'y ferait rien. Mais voilà, encore une fois, je crois qu'il faut faire au cas par cas. Il y a des femmes qui sont... C'est vraiment une pression sociale, morale, parfois, qui est réalisée sur elles. Il y a de la stigmatisation. Oui, et alors, beaucoup de responsabilisation, je trouve. Le nombre de fois que j'entends, mais enfin, toutes ces femmes qui, avec les moyens actuels, qui ont des moyens de contraception, comment est-ce qu'elles peuvent encore tomber enceintes ? Et en fait, on constate, nous, dans nos animations, parce qu'on fait les fameuses animations EVRAS, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles auprès d'adolescents mais aussi avec des adultes, on constate qu'en fait il y a une mésinformation parfois. Donc c'est vrai qu'on essaye d'informer par rapport à la contraception mais cette information n'est pas optimale. Et alors quand j'entends des personnes me dire mais oui mais la technique du retrait, ma grand-mère dirait sauter du train en marche, hein, mais la technique du retrait est un moyen de contraception tout à fait efficace, il y a pas, moi je n'ai jamais eu d'enfant, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé? Ou lorsqu'on nous dit, il y a une jeune fille qui vient en planning en me disant qu'elle ne comprend pas comment le test est positif parce qu'elle met l'anneau vaginal mais qu'en fait elle met l'anneau vaginal autour de son poignet. Comme un bracelet. Comme un bracelet. Bah oui, les bracelets fluo qu'on a en soirée, ça ressemble un petit peu. Donc, ça peut paraître risible si ce n'était pas aussi tragique. Et c'est vrai qu'on en parle, et on en parle vraiment dans nos formations, enfin, dans les formations qu'on suit ou en équipe, et savoir comment gérer ça aussi, parce que c'est toujours compliqué. Ou alors aussi, il y a des freins parfois qui sont dus à la culture. Donc il y a une jeune dame africaine qui est venue me trouver en accueil et qui me dit bah, j'ai déjà des enfants, j'ai été voir votre médecin qui m'a prescrit un moyen de contraception et je l'ai pris et je suis enceinte, comment ça se fait? Et quand on creuse, on se rend compte qu'en fait elle mettait la pilule dans son nombril parce que pour elle, tout passait dans sa tribu, là-bas, tout passait par le nombril. Donc parfois, on ne se rend pas compte non plus que de la manière dont on informe les gens. C'est vraiment très important et on le précise parce que c'est aller chercher une pilule du lendemain en pharmacie où il y a 50 personnes derrière et ne pas prendre le temps d'expliquer comment ça se prend, que ça s'avale, comment ça va se passer par la suite, ne pas expliquer comment on se prend une pilule, ne pas expliquer comment on se prend un moyen de contraception, bah, parfois ça a quand même des conséquences et ça, on le constate vraiment. Et alors il y a des freins aussi, je disais, enfin nous on constate vraiment beaucoup de freins culturels et religieux à l'heure actuelle. Quand on va en animation, on se rend compte qu'il y a des femmes qui nous disent mais oui, mais enfin je ne peux pas avorter, ça fait 40 jours, mon bébé a une âme, et donc qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je résous ce problème-là? Ou alors il y a une dame aussi qui dans l'autre sens qui disait mais oui, mais finalement moi je préfère avorter parce que prendre la pilule, finalement c'est avorter tout le temps, donc c'est un péché tout le temps. Et donc à chaque prise de pilule. Pour elle, c'est déjà quelque chose de mal, c'est déjà un péché. Donc il y a des personnes qu'il faut essayer de rencontrer, avec lesquelles il faut essayer de discuter pour les informer. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, nous, que ce soit dans tous les centres de planning. Hein, mais voilà, nous, étant donné qu'on ne pratique pas l'IVG chez nous, au niveau de l'information, de l'accueil, de l'écoute, pour avoir une meilleure orientation, une meilleure prise en charge. Donc sortir l'IVG du code pénal, vous ressentiriez-vous dans votre travail des améliorations sensibles ? Oui, parce que je pense que c'est aussi une... Il faut déculpabiliser, comme on l'a dit, mais je crois que tout le monde l'a dit. Hein. Ça reste encore quelque chose qui est un sujet tabou, dont on ne parle pas. Quand on l'énonce à demi-lèvres, on se rend compte que ça crée un malaise, que ça crée alors des débats très, très animés, où il va y avoir des pour, des contre, alors que ou ça un devrait... grand silence, parfois. Oui, oui, voilà. Mais donc, alors que, pour moi, ça devrait être, comme on l'a dit, un droit fondamental, et qu'il faut absolument... le sortir et que ces exemples-ci dont je vous ai fait part, c'est bien pour montrer qu'à l'heure actuelle, l'information n'est pas encore optimale et qu'il faut pouvoir poursuivre et que ici on parle à des convaincus évidemment, hein, on parle à des personnes qui sont sensibilisées et c'est toujours le cas, peu importe la thématique finalement, mais je pense qu'il faut pouvoir relayer ça à l'extérieur, informer un maximum de gens pour éviter cette responsabilisation et culpabilisation de la femme. Oui, bien sûr. Votre micro ne... Est-ce que ça marche? Oui. Il y a quelque chose qui me met toujours très mal à l'aise dans le fait de mettre l'avortement en lien avec une information sur la contraception. Parce que je trouve que quelque part, ça n'a rien à voir. Et je pense que dans la pratique, ce qu'on constate, c'est qu'on a des avortements, il y a des médecins qui viennent nous demander des avortements, il y a des infirmières, il y a des sages-femmes qui viennent nous demander des avortements. Ça n'a strictement rien à voir avec l'information sur la contraception. Donc je pense que c'est effectivement, bien sûr, intéressant. Dans certains cas, oui. Puisque des jeunes qui se retrouvent enceintes en je trouve qu'ils sont minoritaires. Et je trouve, enfin, on en discutait récemment en équipe, on a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent nous dire, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y avait un préservatif. Pourtant, j'utilise le préservatif. Alors, il y a tellement de gens qui nous disent qu'ils utilisent le préservatif que si c'est vrai que autant de grossesses arrivent sur les préservatifs, il faut arrêter tout de suite d'utiliser les préservatifs, ça ne sert à rien. Donc, l'explication que nous nous donnons, c'est que ces femmes n'oseraient pas nous dire, écoutez, voilà, je suis tombée enceinte parce que je suis tombée enceinte, parce que ce jour-là, ben, je n'ai même pas que je n'ai pas fait attention, je n'y ai pas pensé. Je traverse hors des clous, et quand je traverse hors des clous, je ne me dis pas, Claudine, as-tu réfléchi que hors des clous, si une voiture arrive, tu risques de te faire renverser. Je traverse hors des clous, j'ai une relation sexuelle sans contraception, je ne suis pas en train de me demander, Claudine, as-tu réfléchi que sans contraception, peut-être que tu... Non. Donc je pense que par rapport à ça, la question de l'information et la question de la grossesse, ce sont deux choses qui, quelque part aussi, sont totalement différentes. Alors, c'est vraiment important de continuer l'information, mais... Là, vous dites que certaines femmes leur auraient honte d'avouer, de demander. Ah, d'où l'importance de déculpabiliser, de déstigmatiser et de sortir cette loi du corps. Nous, on a des femmes qui nous disent, écoutez, madame, je suis vraiment gênée de vous dire ça, mais je m'en fous. Je suis vraiment honteuse, mais moi, je n'ai pas d'état d'âme, je ne me sens pas mal. Et la seule chose, s'il vous plaît, c'est est-ce qu'on peut finir parce que j'ai mon bus et est-ce qu'on ne peut pas faire ça aujourd'hui parce que moi, je n'ai... Mais écoutez, vraiment, je demande un IVG et je n'ai pas de questions et je n'ai pas besoin d'en discuter. Donc, je pense que oui, c'est vrai que par rapport à ça, la déculpabilisation, pour nous, c'est vraiment le point central. Et je pense que dans la salle aussi, la déculpabilisation, la démédification... Encore tout à l'heure, on a parlé de la douleur, on parle de l'échec, on parle de l'avortement qui est un traumatisme, on demande quel suivi psychologique on met en place au début, pendant, à la fin. Ici aussi, je me demande, qu'est-ce que vous avez en tête? On donnera la voix au public aussi, qui remplira et qui vous posera les questions d'ici quelques minutes, évidemment. Chloé, vous voulez rajouter? Juste pour... j'entends bien et je suis évidemment en accord avec ce que vous dites, mais c'est juste que quand je parle aussi d'information, c'est pas non plus que sur la contraception, c'est aussi sur les mythes qu'il peut y avoir à propos de l'avortement. Déconstruire les mythes. Parce que encore le nombre de fois de jeunes qui nous disent, mais oui, mais finalement, je vais payer combien? Je vais me ruiner, ça va être 400 euros, comment ça se fait? Alors qu'ils ne savent même pas... Ou pire, je n'aurai peut-être pas d'enfant après si voilà, j'avorte je serai stérile, j'ai pu en relever quelques-uns. Je suis mineure, donc je ne vais pas pouvoir bénéficier de ça, c'est pas possible pour moi. Mes parents vont forcément être au courant. Et donc, je pense, quand je parlais aussi d'information, c'était aussi l'information sur ce qu'est finalement un avortement et sur comment c'est que ça se passe, parce qu'on a l'impression qu'on va charcuter la femme de l'intérieur, qu'on n'aura pas nécessairement la possibilité de choisir, de décider, qu'on va décider à notre place. Ça, c'est des choses qu'on entend auprès des jeunes. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir aussi parler de ça avec eux. Voilà. Merci, Chloé. Docteur Yannick Manigard, je voulais vous interpeller sur cet état de détresse, vous, en tant que médecin. Est-ce que vous sentez le droit d'estimer et d'évaluer cet état de détresse de la femme? Ben non, évidemment, ça, c'est une notion... Tout d'abord aberrante, parce que effectivement il n'y a pas de raison, mais en plus c'est totalement subjectif. Donc c'est même une notion dangereuse, parce que ce qui est la détresse pour moi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Et qui suis-je pour, évidemment, juger? On le rappelle, selon la loi, vous devez faire cet état de... Bien sûr, mais ça, on en parle évidemment pas du tout, comme tout le monde ici. Donc, c'est des notions qu'on n'aborde pas. Puis, je rejoins un peu ce qu'ont dit mes collègues avant, c'est que je pense que, quelque part, il y a une détresse. Mais voilà, les gens viennent nous voir parce qu'ils ont envie d'interrompre leur grossesse. Donc, effectivement, je ne pense pas que ça nous freine du tout dans notre pratique. Par contre, c'est vrai que cette loi est contraignante et que nous, on a, quelque part, parce que je spécifie juste que je suis gynécologue, alors malheureusement, ça j'aimerais en dire un mot aussi, les gynécologues ne sont plus ceux qui portent le combat pour l'avortement, j'insiste bien là-dessus. Donc, c'est vraiment les généralistes qui, maintenant, ont pris le relais. Alors, pour quelles raisons? Est-ce que nous, gynécologues, sommes trop nombreux? Est-ce qu'on n'est pas motivés? Vous êtes difficile à atteindre, oui, ou à voir? Oui, mais c'est clair que c'est un problème, parce que, quelque part, parfois, on est utile. Je veux dire, pour certaines spécificités, certains avortements compliqués. Donc, non seulement je suis gynécologue, mais en plus, je travaille en hôpital. Je viens de Bruxelles aussi. Non, mais je veux dire, donc, c'est... Mais mesdames, quel talent! Mais c'est dire aussi qu'en hôpital, cette loi nous contraint beaucoup, quelque part, parce que... Je ne vais pas revenir sur l'importance des valeurs symboliques et du droit aux femmes, évidemment, à disposer de leur corps, ce qui est évident. Mais nous, on travaille avec plein de gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un planning extra-hospitalier où on a choisi son personnel qui dit, voilà, tous les gens sont là, sont avec les patientes, comprennent la douleur et tout. Chez nous, c'est différent. Donc nous, on a des anesthésistes. Je vous passe les nombreux soucis que j'ai eus avec les anesthésistes. On a des infirmières en salle de réveil, en salle d'opération. Et donc, tout ça fait que parfois, il y a des remarques culpabilisantes, parfois, il y a et que donc, cette loi, quelque part, nous, on doit la respecter. Parce qu'on a peur qu'un jour, si un anesthésiste se penche sur le dossier, une infirmière se penche sur le dossier... Vous voulez dire que plus la structure est grande, plus vous devez faire attention et plus le travail est compliqué. Bien sûr, donc ça c'est vraiment important. Alors il fut un temps où, puisque je travaille à Saint-Pierre, c'était un hôpital militant, de première ligne, etc., dans la lutte pour l'avortement, mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc nous on est confrontés aussi à ces nombreuses infirmières, ces nombreux anesthésistes qui viennent de plein de pays, de plein de cultures, qui sont souvent croyants, profondément croyants, l'un n'empêchant pas toujours l'autre, mais quand même. Et donc c'est clair qu'il y a j'ai été plusieurs fois à dire, écoutez, si vous pouviez mettre un anesthésiste, s'il vous plaît, qui considère que aider une femme à avorter, c'est quelque chose de bien, ça me ferait quand même fort plaisir. J'ai été une fois, donc j'y vais, je sais que c'est pas, mais j'ai été une fois donner des formations en salle de réveil, aux infirmières de salle de réveil et salle d'opération, c'était effarant. Je veux dire, les remarques, on parlait de la culpabilité, il y a tellement de moyens de contraception, il y a tellement de choses. Ça, c'est aberrant, ça ne peut pas. Oui, mais donc ça, c'est notre quotidien. Alors quand on me demande, parce que je sais que c'est effectivement la demande des centres extra-hospitaliers, c'est que les centres hospitaliers s'occupent éventuellement des patientes qui ont dépassé le délai légal, c'est totalement impossible. Surtout qu'on se sent fort seul. Je veux dire, s'il y avait une dynamique au sein des universités... même pour nous soutenir, je veux dire, avec des... Effectivement, qu'on parle plus de l'avortement au cours de gynécologie, même s'il y a un cours de planification, qu'on insiste là-dessus, qu'on passe des femmes, qu'on fasse venir des gens pour qu'ils témoignent, les choses changeraient peut-être. Alors, moi, personnellement, je suis assez optimiste sur l'avenir, j'essaye, hein, parce qu'autrement, là, ce serait assez terrible. Mais non, donc les jeunes... On est là pour ça aussi, pour se battre, mais pour être optimiste. Voilà, on a des jeunes qui passent, il y a la formation à l'ULB, et donc voilà, moi je vois donc tous les étudiants en médecine de l'ULB font un tiers font leur stage de gynéco chez nous, et évidemment, il y en a plein qui sont motivés, mais il n'y en a pas beaucoup. On parlait de la transmission du combat, moi je crois que c'est fondamental ce qu'on disait. Moi j'ai acquis ça de ma mère, je veux dire, il faut que les femmes... Et les hommes aussi en parlent à leurs enfants, essayent de motiver leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est essayer de leur rappeler. Moi, c'est vrai que quand la loi a été... donc, quand l'avortement a été dépénalisé, moi, j'avais 18 ans. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même histoire que nombre de personnes ici. Donc, je n'ai pas vécu toutes ces luttes. Je me suis rendu compte quand même, j'avais été à quelques manifs. Mais voilà, donc nous, clairement, cette loi, elle nous contraint. Et je pense que pour les médecins même qui sont... les médecins sont peureux. Je veux dire, ceux qui ne sont pas dans la dynamique, c'est des gens qui, voilà, qui font leur pratique, ils ont peur du médico-légal, on est tous comme ça. Je veux dire, ces gens-là ne sont pas des gens qui sont engagés dans le combat pour l'avortement. Et donc, une dépénalisation, Je pense que ça fasse, enfin, une, pardon, une sortie de l'IVG du code pénal, ça vous, aiderait. Je fais une parenthèse, vous dites les médecins sont peureux. C'est vrai que lorsqu'une femme appelle pour prendre rendez-vous en planning, en stipulant qu'elle voudrait demander une IVG, certains disent il faudra alors que le médecin donne son avis de clause de conscience ou un autre médecin. Certains ne le font pas, ils attendent d'avoir la patiente devant eux pour finalement dire que leur clause de conscience... Pas en planning, pardon, ouais, pas en planning, vous avez raison, j'ai dit planning, mais non, pas du tout. Un médecin, oui. On en revient à un autre problème important, parce qu'avant de venir, je me suis dit, je vais aller un peu sur Internet, voir ce qu'on l'a tous fait, mais je veux dire, IVG Bruxelles, IVG France, IVG... Je veux dire, ça permettrait aussi qu'il y ait un canal officiel d'information pour quels sont les centres qu'ils pratiquent, à quel prix où c'est remboursé, et quelles sont les réelles complications, qu'elles soient physiques ou quoi, pour pas tomber sur, je parle de Bruxelles, des centres privés, où on vient vous chercher en voiture, etc., où ça coûte une fortune. Et pour la France, le deuxième site, c'est SOS Viol, et c'est un site pro-life. Donc je veux juste dire, c'est encore une raison, c'est d'enfin permettre d'avoir des informations objectives. Et la clause de conscience, moi j'en reviens, voilà, nous ça ne se passe pas comme ça chez nous, évidemment. Maintenant, ce n'est pas une légende, les histoires qui traînent. On a quand même des patients, je pense qu'on l'a tous su, qui viennent en croyant qu'elles sont à une grossesse plus avancée. Et en fait, si elles étaient venues à temps, elles auraient pu faire leur interruption de grossesse. Et donc, moi, j'insiste sur le fait que si on change la loi, et je voyais que dans les propositions, à part, je pense, SPA, je veux dire, il n'y a rien sur le fait que le médecin qui dit « je ne le pratique pas » doit prendre lui-même avec son secrétariat un rendez-vous, je trouve, dans un planning. Voilà. Je m'arrête de parler. Docteur Bouard, vous vouliez... Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, je pense qu'en effet, ça devrait sortir. Donc, pour que les choses soient claires, je suis vraiment pour la dépénalisation de l'avortement, bien entendu. Hein. Par rapport à la contraception, je voulais rebondir sur ce que disait Claudine. C'est vrai, c'est pas. Enfin, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Je pense que quelle que soit la contraception, l'éducation, la formation, l'accessibilité, il y aura, je pense, toujours des grossesses, parce qu'il n'y a pas de contraception absolue, parce que l'être humain est ambivalent, parce que parfois, il y a loin de la coupe aux lèvres, et comme souvent dans les remarques qui sont faites quand je donne cours aux étudiants, les objections qu'ils ont, c'est bien souvent, en effet, « Oui, mais enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ces bonnes femmes qui ne prennent pas leur pilule ?» Donc j'ai déjà dit, et aussi dans des réunions avec notre hôpital de référence qui est le Mois de l'Abbaye, je voudrais bien savoir ici quel est le mec qui n'a jamais brûlé un feu rouge. Et donc de celui-là, je veux bien discuter des oublis de pilules des femmes. Voilà, mais hein, c'est un peu ce que tu disais de marcher hors des clous. D'autre part, il faut quand même qu'il y ait une bonne accessibilité à la contraception. Et je trouve qu'il ne faut pas opposer les deux. Et je pense qu'il y a des pays du Maghreb, notamment, où il y a une culture assez accessible à l'IVG, mais pas à la contraception. Et ça, ce n'est pas non plus une bonne situation de libération des femmes, évidemment. Les deux doivent aller de pair. Voilà, il faut que les deux aillent totalement de pair, bien entendu. Bien entendu. Julie, qui est notre relais avec la salle aujourd'hui, vous avez... Chacun et chacune posait plusieurs questions. On va les lire et les soumettre ici à nos invités de cette table ronde. Je ne sais pas. Ah, le micro fonctionne. Donc, on a trois questions très intéressantes. La première vient d'Alexandra qui dit qu'elle est étudiante et qui s'adresse à Madame Bouard. Et elle a posé sa question en deux temps. Alors, la première partie, c'est pourquoi n'existe-t-il pas un cours préparant clairement à la pratique d'une IVG ? Il n'y en a visiblement qu'à l'ULB hein, pour le moment. Et alors la deuxième partie de sa question, et ça c'est son cas personnel, elle dit « c'est un parcours de combattante pour avoir accès à l'IVG ». Alors elle précise qu'il n'y a pas assez de médecins pratiquant l'IVG, qu'elle vient de regarder sur son smartphone, sur Internet, pour trouver un lieu pour avorter. Et bêtement, ça c'est compliqué. Je ne sais pas dans quel hôpital aller, et pourtant je m'informe énormément. Madame docteur, vous êtes en fin de chaîne, et de votre place, vous avez l'impression que c'est simple l'accès à l'IVG. Alors, juste pour info, sur le site du SPF Santé publique, donc le site fédéral de la santé, il y a une information liminaire liée à l'IVG et il n'y a notamment pas du tout les adresses des centres extra-hospitaliers ni des informations un peu plus complètes. Il y a juste des extraits de la loi 1990 avec les conditions que M. Gillissen a citées. Donc c'est vrai que ça pourrait être amélioré de ce côté-là. Je ne sais pas si je continue les questions. Bien, vous, je vais peut-être déjà répondre à celle-ci. Je vais essayer de répondre. Donc, je pense que pour certaines femmes, c'est compliqué d'arriver jusqu'à un endroit où on peut se faire avorter. Donc, je réponds d'abord à la deuxième question. C'est de plus en plus accessible, mais c'est vrai que l'accessibilité, elle n'est pas parfaite. Il y a quand même moyen de trouver, y compris sur Internet. Il faut un petit peu connaître. Maintenant, nous, ça fait près de 20 ans qu'à Liège, on organise un stage pour les futurs généralistes, qui est un stage planning, qui est considéré donc, dans la formation des médecins généralistes, la formation spécifique des médecins généralistes. Ça fait à peu près 20 ans qu'on le fait. Et il y a dans ce stage le passage dans des centres de planning IVG. Et donc c'est généralement des stages qui sont assez demandés, les étudiants aiment bien, parce qu'à la fois ils ont une formation beaucoup plus concrète à la gynécologie de première ligne, mais ils sont confrontés à ça. Donc on a vu quand même depuis lors que beaucoup de jeunes généralistes connaissent les centres, en tout cas en région liégeoise, connaissent les centres et nous envoient leurs patientes. Et parfois de manière directe, un petit coup de fil, j'ai eu cours avec vous, etc. J'ai une patiente qui... Donc ça, je crois que c'est un progrès, mais c'est vrai que ce n'est pas encore suffisamment connu, probablement dans tous les milieux. Alors, en ce qui concerne la formation à l'Université de Liège, c'est vrai qu'elle est largement insuffisante. Donc, moi, j'ai donné l'année passée un cours avec le prof de gynéco, M. Kridelka, mais c'est nouveau, c'est que depuis que lui est prof, qu'on parle d'IVG dans les cours... Il m'a appris que l'année prochaine, il y aurait des heures en plus et qu'il souhaitait consacrer plus d'heures à un cours sur l'IVG pour l'ensemble des étudiants en médecine. Donc ça, je m'en réjouis. Il y avait par contre avant un cours d'éthique qui était donné par Jean-Rémy Van Kouwenberg et où moi, j'intervenais toute une après-midi pour parler de l'IVG. Il a pris sa pension, je ne parle plus de l'IVG dans les cours d'éthique à l'ULG, c'est fort dommage. Et alors pour les médecins généralistes en formation, dans le cadre de la formation spécifique, il y a une journée, donc je reconnais que ce n'est pas assez, enfin depuis 2004, il y a une journée entière où je parle avec mes collègues, ceux ici dans la salle, médecins, psychologues, assistantes sociales qui travaillent dans les centres de planning, une journée entière où on parle de... contraception, IVG, etc. Alors c'est vrai que c'est pas assez, hein, on fait pas le poids et on aimerait bien faire plus. Ce qui me fait très peur, c'est que quand la durée des études de médecine va passer à 6 ans, ce ne sera raboté. Un jeune médecin qui sort de ses études demain pourrait pratiquer une IVG sans en suer des gouttes le surlendemain? Non, sûrement pas, mais ça, de toute façon, nous, ce qu'on... Non, mais il faut apprendre aussi, il y a une technique à apprendre. Donc... Et on ne l'apprend pas à l'université, alors? Non, on ne l'apprend pas à l'université. C'est-à-dire, pour les gynécologues, oui, mais ça fait partie de la formation des gynécologues. Le généraliste, mais ça, je pense que ce n'est pas... Le généraliste, quand il sort de médecine de ses 7 ans, n'est pas capable de faire des IVG. Mais on les forme, nous, sur le terrain, dans les centres de planning. Et donc, cette formation-là, c'est 6 mois... avec des médecins chevronnés, et à l'issue d'une consultation par semaine pendant 6 mois, ils sont généralement tout à fait à même de réaliser des IVG, et c'est comme ça qu'on les forme dans les centres de planning. Hein. Mais non, sinon, non, mais ça, je crois que... Il y a plein de... Si vous me lancez là-dessus, je pense qu'il y a pénurie aussi de médecins généralistes, et je pense que la formation... En général, des médecins laissent à désirer. Bon, ça c'est peut-être un autre débat. En général. On va continuer les questions. Oui. Du public, Julie. Alors, donc, Madame Lachaussée, qui est médecin au collectif contraception de Liège, s'adresse à Madame de Fraigne. Mais, bon, voilà, je pense qu'on peut quand même élargir aussi le débat hein, à d'autres personnes. Donc, Roger Lallemand a réussi par un dialogue tenace avec les opposants politiques à une loi, à obtenir une loi de consensus entre les insatisfaits. Quelle est votre analyse du moment politique actuel et quelle est votre stratégie politique pour arriver à une dépénalisation complète? Cette sortie du code pénal nous met-elle, au niveau des praticiens et des femmes, à l'abri de tout retour de flamme, droit du fœtus, etc. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes politiques dans la salle, mais donc, comme vous le savez, il y a 4 textes de loi qui ont été déposés, socialistes, défi, Écolo Groen et SPA. Je pense qu'il y a un tableau comparatif qui est dans vos fardes qui compare un peu les lois. Et donc peut-être si d'autres partis politiques veulent prendre la parole sur justement l'opportunité politique du dépôt de ces propositions de loi, et éventuellement en parler, c'est peut-être le moment, puisque la question est posée à Mme de Fraigne du parti MR. Oui. Jean, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais je vais me lever. Est-ce qu'il y a une stratégie politique ? J'ai bien peur que la stratégie politique soit une stratégie, pour le moment, un peu de défensive, pour dire les choses très, très honnêtement et très platement, puisque l'offensive, elle est venue de ces propositions qui veulent abaisser le seuil, avec des modalités, comme je l'ai dit, différentes. D'un coup, c'est obligatoire, puis ça devient facultatif. Et on l'a bien compris, c'est qu'en abaissant le seuil, là, on empêche de reculer la limite pendant laquelle on peut pratiquer un avortement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va plus loin, puisque en reconnaissant un statut juridico-fœtus, bah, ça arrive à quoi ? À assimiler l'avortement à un infanticide ou à non-assistance à personne en danger, si on reconnaît un statut juridique au fœtus. Alors, ces propositions, elles sont sur la table. Isabelle a dit des partis conservateurs, c'est peut-être certains qui ont une vision plus confessionnelle des choses, il faut le dire. Il y a des partis qui sont radicalement contre, et dans ma formation, comme je l'ai dit, on a un peu le mélange des genres, puisque ces questions sont laissées à l'appréciation personnelle. Alors, la stratégie, c'est de dire, si vous allez dans l'abaissement de cette limite d'âge, 180, 140, puis certains veulent encore descendre plus bas, la contrepartie, puisque comme j'ai dit, on est en Belgique, on fait toujours des compromis, des équilibres et des balances, la contrepartie, c'est de dire on vote la sortie de l'avortement du code pénal pour en faire une vraie question de santé publique. Maintenant, vous dire qu'on va se compter, qu'on va arriver à ces majorités, moi, je ne suis sûre de rien. Parce que si on fait les comptes d'un côté, on les fait de l'autre. Moi, je ne sais pas, comme disait mon voisin Raphaël Miklatski, ce qui va devenir en 2018, en 2019, quel type de majorité on peut avoir d'un côté ou d'un autre. Et quand je vois l'évolution, j'ai dit mondiale, européenne, moi non plus, je ne suis pas rassurée. Hein. La démocratie, c'est jamais qu'une question, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, d'arithmétique. Et sur quel type de majorité va-t-on déboucher ? Ça, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose sous cette législature ? Je n'en suis pas sûre. Maintenant, moi, je n'ai pas de boule de cristal par rapport à l'avenir. Et en termes de stratégie politique, ça n'engage que moi, qui sommes-nous, et parfois on se trompe lourdement et on se plante. Mais moi, je n'aurais jamais dit, ça fait rire Isabelle, mais c'est vrai, j'aurais jamais dit, arrivons avec le combat pour sortir l'avortement du code pénal, même si c'est tout à fait légitime, même si on en est persuadé. Parce que la crainte, c'est toujours de rouvrir la boîte de Pandore. La crainte, c'est toujours de se prendre leur tour de balancier. Mais à partir du moment où il y a ces propositions qui sont sur la table pour dire « abaissons parce qu'on va aider à faire son deuil », etc. Parenthèse, je l'ai dit, je réinsiste peut-être là-dessus, je pense qu'on fait mieux son deuil ou qu'on surmonte mieux l'épreuve d'une fausse couche, me semble-t-il, quand on se dit que c'est un accident médical, plutôt que de se dire qu'on a perdu un enfant. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, voyez toute la lourdeur du processus. On parlait de culpabilisation tout à l'heure, mais là, la culpabilisation, elle est vraiment là. On fait peser sur les épaules des familles et même une espèce d'obligation, de moule, de modèle qu'il faut suivre. Et donc, moi, j'aurais jamais... Je pense que maintenant que ces textes sont là, Ils existent déjà. Moi, je me rappelle à la commission de la justice du Sénat que je présidais, j'avais des textes du CDNV comme ça qui venaient de ma prédécessrice, Madame de Béthune. Ben, je les ai calés et elle venait près de moi en me disant « Mais Christine, c'est pas du tout pour détruire la loi sur l'avortement, tu sais, absolument pas. C'est prendre en compte la détresse des familles. » Bon, ben, je me suis assise sur ces textes-là, mais je vois qu'ils reviennent évidemment en force et de plusieurs formations à la Chambre. Alors, je crois qu'à partir du moment où on est confronté à ça, ben, il faut bien réagir, et réagir de la façon la plus forte. Mais il faudra se compter. Voilà. Et je n'ai pas de boule de cristal pour savoir l'issue finale du combat, d'autant qu'on l'a dit, on est dans un air du temps qui est quand même pas facile et pas évident. Voilà. Je réponds peut-être... Je suppose que vous aimeriez mieux de ma part une réponse A plus B égale C, mais en politique, ce qui est vrai un jour ne l'est pas le lendemain, et inversement. Merci Madame de Fraigne. Est-ce qu'il y a d'autres représentants des partis politiques qui ont déposé des propositions de loi? J'imagine Madame Simonis pour le Parti Socialiste. Oui, il y a un micro qui peut circuler là. Oui, moi, c'est moi. Je m'appelle Gisèle Ekmans et je suis surtout, enfin en tout cas ici, l'assistante de Muriel Jerkens. Et je crois que je me ferais tuer si je ne prends pas la parole aujourd'hui par Muriel, parce que pourtant elle est pacifiste, parce que elle s'est battue bec et ongles pour faire évoluer la proposition de loi reprise sous le nom Écolo Groen et que elle avait déposée le 1er juillet 2016 et qui était le résultat d'une négociation assez difficile avec toutes les parties du parti Écolo Groen. Alors, j'ai ici un petit papier qui reprend l'évolution de cette proposition de loi. Et elle a très très bien travaillé. Nous avons bien travaillé parce qu'elle est derrière elle, il y avait aussi les femmes écolo. Et donc, les 12 semaines du délai maximum de l'IVG, on a tombé sur un accord qui fait évoluer les choses jusqu'à 16 semaines. Déjà. Et on continue à demander la suppression, parce que ça, personnellement, j'y tenais beaucoup, la suppression de l'écrit, de la signature par rapport à l'accord des femmes sur l'IVG. Alors, on a aussi, au niveau des sanctions, elle est arrivée à ce qu'il y ait une sanction supprimée pour les femmes et on garde une sanction dans le chef des médecins, mais on a fait ajouter que après, au-delà des 16 semaines, la grossesse pouvait être interrompue lorsque la situation psychosociale de la femme constitue un empêchement sérieux à la poursuite de la grossesse. Et donc, si vraiment il y a un médecin qui pratiquerait un avortement dans le cas où il n'y aurait pas de problème au niveau de santé de la femme, de l'enfant, ou qu'il n'y aurait pas de problème au niveau aussi de situation psychosociale non définie, hein, ben là, il y aurait encore éventuellement... Enfin, non, il y aura encore sanctions. Voilà. Et puis, un dernier point sur lequel elle est arrivée aussi à avancer, c'est sur la clause de conscience, où là, la clause de conscience est conservée, mais après l'obligation, dès le premier entretien, de le signaler à la femme. Et voilà. Donc, c'est important quand même de rectifier les choses. Oui, merci beaucoup. Je peux dire... Alors, voilà. Oui, je peux dire... Vous vouliez ajouter quelque chose. Mais je voudrais rajouter aussi, au-delà des partis politiques... Qui dépose des projets de loi, je voudrais parler aussi de mouvements ou de groupes de base. Je pense qu'on fera avancer les choses s'il y a un rapport de force et s'il y a des alliés. Alors, je ne pense pas qu'on va trouver beaucoup d'alliés au sommet des partis chrétiens, par exemple. Par contre, je sais qu'on a des alliés à la base. Et quand on a... je vous rappelle quand même qu'à côté de Willy Peirce, il y avait l'allemand, mais il y avait le chanoine de Locht. Et voilà, c'est un chanoine. Et voilà, je pense que derrière lui, il y avait une partie de la base, de chrétiens de gauche, on peut dire, qui s'est battue aussi. Donc moi, quand on a mis sur pied le centre IVG à Serein, on a été soutenus, et parfois de manière étonnante, pas toujours par des gens en place dont on s'attendait à ce qu'ils nous soutiennent, mais par contre, on a eu des soutiens précieux de la part de femmes de vie féminine, de jeunes, de la JOC, etc. quoi. Et ça, je pense que si on veut faire avancer les choses, il ne faut pas oublier cette frange-là de la population. Donc ça va au-delà des partis. Oui. Juste pour clôturer Julie. Par rapport aux partis politiques présents, mm-hmm. donc j'entends bien que Madame Ekmans, assistante de Muriel Jerkens, retire la proposition qui est dans le tableau et en a proposé une autre oralement. On attend alors là de voir le texte. Madame Simonis, Karine Lalieu et son groupe politique à la Chambre ont aussi déposé un texte qui est donc dans votre farde. Est-ce que vous pourriez le résumer ou en tout cas en parler par rapport justement aux questions de stratégie politique puisque tous les partis qui ont déposé sont dans l'opposition? Oui, ben, je ne voulais pas le résumer puisque vous avez un excellent résumé dans votre farde. Et je pense que beaucoup connaissent Karine Lalieu pour son investissement de longue date sur cette question. Je dirais qu'au sein du groupe PS, on ne devra pas se compter, puisque cette question-là, en tout cas, fait l'objet d'une unanimité au sein du PS, très clairement. Maintenant, reste évidemment le rapport de force et le poids que nous pourrons avoir. Et donc, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'à la fois, il va falloir faire un travail de conscientisation dans tous les groupes politiques présents à la Chambre, et certains sont sans doute plus ouverts que d'autres. Et par ailleurs, on voit aussi, ce n'est pas ici que je dois le dire, à quel point une forte pression de mouvements, de groupes de pression, du tissu associatif et autres peut aussi inviter fortement, c'est peut-être mon passé dans le monde associatif qui me fait dire, mais peut aussi inviter le monde politique à plus rapidement déposer et surtout débattre des textes. Merci Madame Simonis. Avant une prochaine salve de questions du public peut-être, j'avais envie de revenir éventuellement avec vous, Maître Gillissen, sur nos voisins. Parce qu'on se rend compte que les Luxembourgeois ont sorti l'IVG de leur code pénal et que tout se passe bien. Alors, il faut prendre exemple, il faut les accompagner dans ce chemin-là, évidemment. Comment ça se passe chez eux? Alors, l'exemple luxembourgeois, personnellement, je trouve extrêmement intéressant, puisqu'ils avaient une loi qui était la même que la loi belge. Et sociologiquement, il faut bien le dire, nos amis luxembourgeois ressemble quand même à nos amis belges. Hein. Bon. Il y a la même composition, les mêmes composantes au sein de la société. Et l'idée là-bas a été, je pense, extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est donc sortir complètement la problématique de l'avortement avec un grand L, si vous me passez l'expression, hein, du code pénal, et de faire une loi spéciale qui vise à la fois l'accès aux moyens de contraception. Je veux dire par là une éducation aux moyens de contraception. Où peut-on les trouver? Quels sont ceux qui existent? Comment les utilise-t-on? C'est la même chose pour, dans la même loi, un accès à une éducation sexuelle, à une vie sexuelle. Et puis, enfin, à ce qu'on appelle l'avortement, plus exactement l'IVG. Et donc, il y a une sorte de projet de société dans une loi spécifique, qui est une loi qui n'a plus ces fameuses lunettes pénales pour enregistrer le phénomène de l'IVG et qui voit de manière totalement différente tout ce qui est problème inhérent, et pourquoi dire problème d'ailleurs, la sexualité dans toutes ses conséquences. Et c'est le premier grand type de projet qu'on peut imaginer, une loi spécifique dans laquelle on peut placer, bien sûr, une sortie de l'IVG hors du code pénal, mais on peut voir plus grand et on peut en faire un projet de société. Il y a alors l'autre, je ne sais pas s'il est temps d'en parler, mais je peux le faire de manière très brève, hein, de manière à peine à introduire le sujet, l'autre grande proposition qui est d'intégrer le problème de l'IVG dans la loi sur les droits du patient. Donc on est à nouveau hors de toute approche pénale et on est dans une approche loi de... J'allais vous le demander, si on sort la loi du code pénal, la loi de l'IVG, où va-t-on la mettre? Alors, ben, vous pouvez, c'est le projet d'ailleurs qui est voulu, réécrire une loi en ayant plus ses critères pénaux. Donc, on peut à ce moment-là voir les choses dans une loi de santé publique. On aborde l'IVG comme étant un acte médical nécessaire, il n'y a plus de culpabilité là-dedans. On déculpabilise à l'égard de l'IVG, c'est un droit, et on aurait autrement dit une IVG acte technique qui correspond à un droit, et puis eh bien, des interruptions volontaires de grossesse qui ne seraient plus des IVG légales, permises. Et là, vous avez deux grandes écoles. Soit cette loi serait assortie de sanctions pénales, c'est un peu l'idée de la proposition d'écolo, enfin c'est même beaucoup l'idée de la proposition d'écolo, il y a encore des sanctions pénales à la clé, ou alors il n'y a plus de sanctions pénales à la clé. Est-ce que ça veut dire que c'est la loi de la jungle? Non. Vous avez bien sûr la responsabilité civile, 1382 et autres du code, du code civil, je dis bien, et puis surtout vous avez les sanctions déontologiques. Un médecin qui, effectivement, pratique, fait pratiquer, joue dans une pièce d'IVG absolument irrégulière, je vais la qualifier d'irrégulière plutôt que d'illégale, pourrait ne plus exercer l'art de guérir, ne pourrait ne plus être médecin ou recevoir une sanction. À même titre qu'une autre erreur médicale. Voilà. Et donc, vous n'avez plus cette criminalisation. Donc, non seulement une approche où on n'est plus culpabilisé, ça c'est quand même intéressant, hein, vous avez entendu les témoignages des gens sur le terrain, ça c'est quand même essentiel, mais en plus, où on ne parle plus d'envoyer les gens en prison. Nous avons pour l'instant un système où la dame qui se fait effectivement, qui se fait pratiquer une IVG risque d'aller en prison, le praticien également. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de faire, de baliser, sans donner mon avis, de baliser les choix qui peuvent être ceux, à l'avenir, mais dans un avenir sans doute proche, en tout cas on l'espère tous, de nos politiques, puisqu'on résout l'aspect psychologique, qui peut être lourd, hein, c'est comme un boulet que l'on traîne, ça résout le problème sur le terrain des médecins, du personnel soignant, du personnel infirmier, on n'a pas encore parlé du personnel infirmier, on sait qu'il y a là aussi des difficultés, et en même temps, ça nous permet de faire de l'IVG un acte médical et plus du tout, ce qui est quand même le comble d'Illie. Je ne pense pas que je doive être plus long. J'imagine qu'on va rebondir sur ce que je viens de dire avec le prisme médical par rapport à ça. Voilà, docteur Manigard ou docteur Boire, une réaction par rapport à... Non, ben c'est... Vos collègues luxembourgeois, peut-être, ouais. Si vous êtes au courant. Mais je ne suis pas spécialiste en droit, voilà, je pense qu'une loi dans le cadre des droits du patient, comme l'euthanasie, avec des critères comme l'a décrit, ben évidemment que ce serait l'idéal. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Il y a plein de propositions différentes. Ça, je pense que c'est un autre débat, le délai. On ne va pas revenir là-dessus, je ne sais pas si vous désirez qu'on y revienne. Mais... Oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est vrai que mettre ça sous le chapitre, l'ordre moral et les familles, c'est, bon, donc, ça devrait figurer en effet. Je pense que la loi sur les droits des patients, par exemple, c'est une bonne chose. Maintenant, je ne connais pas la pratique de terrain au Luxembourg. Enfin, j'ai lu la loi, ça me paraît très bien. Voilà. Que disent les autres voisins? Donc les pays européens, on l'a dit, on l'a évoqué tout à l'heure un peu, où le danger gronde énormément. Est-ce que Maître Gissène, vous pouvez faire un petit tour européen de la question pour nous flanquer un peu vraiment la trouille? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet de vous foutre la trouille. Hein. Mais il faut savoir que dans d'autres pays européens, les délais, par exemple, le fameux délai de 12 semaines est beaucoup plus long. En Grande-Bretagne, on dépasse les 20 semaines. Quels sont les 25 pays vers lesquels on doit tendre le regard, qui sont plus loin que nous? Donc il y a le Luxembourg, la Hollande, le Royaume-Uni, même la France. Et la France. Nous avons. Ce n'est pas l'utopie. Nous avons des modèles qui fonctionnent. Nous avons de bons exemples à suivre où ça se passe bien. Et c'est un peu le danger du slogan, hein. Sortir l'IVG du code pénal. Si c'est ça l'idée, c'est une idée un peu courte. Et comme souvent, les mauvaises idées sont les idées simples. Non. Pourquoi est-ce un peu court ? Parce que sortir du code pénal, c'est un slogan. Ce n'est pas une action politique. Je veux dire que c'est notamment sortir du code pénal, mais il ne faut pas s'arrêter là. Ah non, c'est un slogan, si c'est le vôtre, c'est un bon slogan, mais c'est je déjà pense... Ça. Voilà, exactement, mais il est évident qu'à côté de cela, il doit y avoir beaucoup plus. Il doit y avoir beaucoup plus. La réalité est plus complexe que cela. Et je pense pouvoir dire, mais vraiment en deux mots, parce que je ne voudrais pas... On dit que les avocats sont des bavards, hein, donc je ne veux pas essuyer ce reproche. Bon, vous l'aurez compris, cette idée d'état de détresse, aujourd'hui, elle ne nous pose pas de problème parce que nous avons une pratique qui est ce qu'elle est. Mais on pourrait, si on réécrit cette loi ou un article de la loi du droit des patients, parler de détermination ferme de la femme. Ça, c'est un concept qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus né, et surtout, ça appartient à la femme. Ça ne saurait Il faut trouver de nouveaux mots. Ni au médecin, ni surtout aux juristes. Absolument. Le jour où les magistrats commenceront à s'intéresser au concept d'état de détresse, ils ne le liront peut-être pas comme nous souhaitons qu'on le lise ou comme vous le pratiquez, vous. Hein, c'est ça qui est le danger. Il y a le délai des 12 semaines, j'en ai parlé. C'est 22 aux Pays-Bas, 18 en Suède. Le projet... PS sauveur de ma part, c'est 14 semaines. Et le projet SPA, ça doit être 20. C'est très bien ça, hein, de mémoire. D'autres rapidement, concepts. On a des questions, mais justement, par rapport à cela. Justement, une question de Sébastien Fontaine, secrétaire général FCPC, puisque ça veut dire Fédération des centres de planning et de consultation. Donc justement, vu les différentes propositions de loi sur la table aujourd'hui, ne risque-t-on pas avec la proposition du SPA, par exemple, de se tirer une balle dans le pied, entre guillemets, au niveau des centres extra-hospitaliers? Le risque n'est-il pas de laisser trop de place aux institutions hospitalières, eu égard au témoignage de Yannick Manigard? La prise en charge dans les hôpitaux semble être plus culpabilisante. Donc on rappelle qu'effectivement, après 14-15 semaines, on ne fait plus d'IVG en centre extra-hospitalier, on doit aller à l'hôpital. Et donc voilà, la question peut-être est posée aux praticiens. Mais c'est clair, enfin, de toute façon, après 14 semaines, on ne fait plus d'IVG du tout. Donc ça, c'est normalement, c'est comme ça. Alors effectivement, nous, ça nous arrange, on envoie en Hollande parce que, voilà, parce qu'on n'a pas le choix. On rappelle les chiffres, hein, de nombre de femmes qui partent en Hollande. Il y a environ 700 à 800 femmes chaque année qui partent se faire avorter en Hollande. Et alors, par rapport au... Et donc, c'est vrai que j'en viens au fait... Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une structure compliquée. Parce qu'en plus, quand nous, on dépasse l'âge de la grossesse, comme on n'est pas formé à la méthode de l'aspiration-curetage pour les grossesses de plus de 4, on va dire 15 semaines, eh bien, je veux dire, on provoque un accouchement, en fait. Il n'y a quasi plus personne qui est formé en Hollande. Certains membres des plannings familiaux y ont été, mais pour bien faire ça... Il faut le faire souvent, il faut le pratiquer souvent. Il faut savoir que dans les hôpitaux, pour tout ce qui est interruption thérapeutique de grossesse, on fait des accouchements. Alors, ça, c'est pour des notions qui sont aussi des notions de plus facilement accepter le deuil. Enfin, c'est tout un chemin psychologique qui probablement est meilleur que d'endormir quelqu'un et de lui faire un curetage dans la problématique de l'interruption thérapeutique de grossesse. Mais donc, on n'a pas du tout l'habitude... non plus de réaliser ces interruptions de grossesse à un âge plus avancé. Et c'est vrai que, par ailleurs, ça comporte des risques. Et moi, je trouve personnellement que les réaliser en dehors des hôpitaux, c'est prendre un risque. Je pense qu'à partir de 16, semaines, ça devient, enfin, je veux dire, c'est risqué. Il y a des complications, notamment hémorragiques, qui sont importantes. Voilà, c'est mon avis, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Mais donc, effectivement, cette histoire-là, il faut en tout cas mettre d'autres choses en place autour. Mm-hmm. Si on propose ça, il faut y réfléchir. Moi, je réfléchissais ça fait quelques mois que je réfléchis à tout ça, parce que c'est vrai que moi, comme peut-être certains ici, ou peut-être beaucoup plus tard, je ne me suis pas inquiété non plus, et maintenant, de toute cette problématique du danger qui existe maintenant, je pense, autour de l'avortement et du droit à le pratiquer. Mais je me disais, c'est une question de volonté, pas que d'une question de volonté politique, mais aussi volonté universitaire. J'entends là, moi je me rappelle que quand j'ai commencé, la gynéco, on était fortement encouragé à aller faire un stage, à aller pratiquer des IVG, ou en tout cas à consulter une demi-journée par semaine, en dehors de l'hôpital, dans un planning. Moi j'ai notamment été aux femmes prévoyantes socialistes rue du Midi. Alors ça apporte plein de choses, c'est là qu'on se rend compte de ce que la réalité. Ça, c'est pour les gynécologues. Maintenant, il faudrait réfléchir à faire ça. Alors pourquoi on ne le fait plus ? Mais parce que les hôpitaux publics même, dans lesquels on travaille, enfin en ce qui me concerne, Erasme n'étant pas un hôpital public, pour prendre l'exemple d'un autre hôpital universitaire, on est dans une logique de privé maintenant. Il est hors de question qu'on laisse l'équivalent donc de finalement un plein temps, puisque si on fait ça à tous nos post-gradués, partir, travailler pour quelqu'un d'autre dans un planning. Il faut produire, il faut... Donc ça, on oublie. C'est une autre logique. Voilà, c'est une autre logique, c'est fini. Et l'autre chose, je voulais juste rebondir sur l'histoire du deuil et d'effectivement qu'on veut légiférer là-dessus. Je ne suis pas un grand spécialiste de la question, mais je travaille quand même beaucoup en salle d'accouchement. Donc on est confronté à ces patientes qui accouchent prématurément. Ce dont elles ont besoin, la grande majorité, c'est de soutien, d'écoute, de choses mises au point dans les hôpitaux. Et là, on n'en parle pas du tout. Pardon, on n'en parle pas du tout. Il n'y a rien qui est prévu et ça coûte beaucoup d'argent. La loi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de secondaire pour elle. Petite réaction de Chloé. Oui, c'est pour aller dans votre sens. Et surtout, avec ce que vous venez de dire à la fin, on se rend compte que si jamais c'est le cas, et ce n'est pas pour stigmatiser ici les centres hospitaliers, loin de là, je sais que la pratique est difficile, mais c'est vrai qu'on se rend compte, nous, quand il y a des femmes qui reviennent chez nous après en nous disant, j'ai subi un avortement dans un centre hospitalier, je n'ai même pas pu être écoutée, on n'a même pas pu prendre un temps pour s'arrêter, pour voir quelle décision est-ce que je voulais prendre. Tout le travail, finalement, psychomédico-social qui est fait dans les centres extra-hospitaliers, puisque à chaque fois il y a des binômes qui sont réalisés, mais bon, ça vous en parlerez peut-être beaucoup mieux que moi, mais on se rend compte que ça peut vraiment avoir des impacts parfois lourds sur les personnes par la suite. Et donc nous qui viennent parfois voir certaines de nos psychologues par après en disant, je n'ai pas été écoutée à ce moment-là, j'en avais besoin, et on se rend compte que les moyens parfois ne sont pas donnés finalement aux médecins ou aux infirmiers, aux accompagnants, et ils n'ont pas le temps non plus, puisqu'on est vraiment dans une dynamique plus privatisée. De prendre ça. Oui. Non, oui. Donc voilà, c'est juste pour ajouter ça et montrer finalement que c'est encore le cas à l'heure actuelle, quoi. Je rebondis vite parce que. Mais juste dire que c'est vrai, je pense, nous, on a quand même un planning qui est en dehors de l'hôpital, hein, enfin dans la cour, ils donnent dans la cour, mais les gens ne rentrent pas à l'hôpital. C'est vrai que quand elles en sortent, je ne suis plus sûr de ce qui va se passer au niveau psychologique. Mais, elles sont quand même bien reçues, elles sont écoutées, leur décision est prise comme il faut, un peu comme dans un planning extra-hospitalier. Maintenant, c'est vrai qu'après l'avortement, comme je dis, nous, on ne fait que des anesthésies générales. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir pour ça. Alors, que ce soit bien ou pas bien, on est là pour offrir autre chose. Là, moi, je laisse chacun juger, je pense que ça dépend des gens, je trouve ça ridicule de dire que c'est mieux une locale ou une générale, mais en tout cas on est là pour écouter ces gens qui viennent pour ça et pour être complémentaires, parce qu'on nous envoie d'autres plannings puisqu'il faut être référent avec être attaché à un hôpital. Moi, lorsqu'il s'agit d'une anesthésie locale, je conseille fortement aux gens d'aller dans un planning, ça c'est clair, parce qu'à l'hôpital, alors que nous on a un planning, on a une structure, dans les autres hôpitaux ils vont où? Je veux dire, ils vont voir un gynéco. Et puis ils vont en salle d'op. Donc effectivement, c'est clair que c'est comme ça. Et moi, dans les idées, c'est aussi d'essayer de rassembler ces gens qui pratiquent l'avortement, s'il y en a. Moi, je me sens fort seul, hein, vraiment, en tant que gynéco travaillant à l'hôpital, d'un peu rassembler tous ces gens et essayer de discuter, de faire quelque chose et de réfléchir à tout ça. Oui, pour croiser les expériences. Docteur Bouard, je vous avais promis une intervention avant, juste quelques questions. Oui. Non, mais c'est, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que la loi EDIRS hors du corps pénal, c'est court. Et ça ne suffit pas. Et donc il faut aussi mettre des choses en place pour que ce soit accessible, que ce soit abordable sur le plan financier, qu'il n'y ait pas trop de médecins qui se réfugient derrière la clause de conscience, etc. Parce que la loi, théoriquement en France, elle est excellente. En pratique, ça dépend des régions. Hein. Et donc on a régulièrement des patientes qui viennent dans nos centres IVG et elles viennent de France. Et j'ai une ancienne collègue qui est allée habiter en France, elle fait des IVG, ce sont des centres qui se trouvent à la porte des hôpitaux, et elle dit que ça dépend des régions. Donc voilà, la loi ne suffit pas, c'était pour dire ça. Et je pense que si on veut travailler sur une dépénalisation de l'avortement jusqu'à 20 semaines, il faut aussi réfléchir à comment ça va se faire. Moi, je pense qu'il faut des centres spécialisés pour ça. Il ne faut pas vous imaginer que ça va se faire comme ça facilement dans les hôpitaux. Il y a eu un centre qui a fait ça en Flandre à un moment, hein, où ils allaient beaucoup plus loin, à l'époque c'était encore interdit. On avait un peu peur parce qu'ils étaient vraiment hors de l'hôpital, mais c'est probablement dans un hôpital ou à la porte d'un hôpital ou le couloir à côté qui permet en effet de pouvoir avoir les ressources de l'hôpital, parce que médicalement, et c'est évident que nous, médecins généralistes formés à l'IVG, on ne va jamais faire ça dans nos centres extra-hospitaliers. On n'est pas compétent, on n'a pas l'infrastructure. Voilà, ça pourrait vraiment être un vrai danger. Merci, docteur. Alors, je voudrais dire aussi que je pense qu'à Liège, la situation dans les hôpitaux, elle est pas excellente. Hein. C'est un petit peu comme ce que tu dis à Bruxelles. Donc, il y a des IVG qui sont faits. Les post-gradués, donc ceux qui font la formation complémentaire de gynéco, doivent aller passer X mois dans un hôpital où on réalise des avortements. De l'avis des gynécos avec qui nous on collabore volontiers, eux-mêmes disent, nous, on n'a pas du tout un travail pluridisciplinaire. Donc les patients sont vus par l'infirmière, ça dépend qui. Et je trouve que parmi les étudiants qui passent dans ces centres-là, il n'y a pas de réflexion sur le droit de la femme, il n'y a pas de réflexion sur l'IVG. Et je trouve que pas mal d'entre eux sont parfaitement cyniques. Et donc, ils font des avortements parce que le chef leur dit qu'ils doivent faire ça. Ils ne réfléchissent pas et ils disent, ouais, toutes ces bonnes femmes qui ne prennent pas leurs pilules, toutes ces bonnes femmes qui croient que l'avortement, oui, c'est une contraception. Donc voilà, ça fait aussi partie des réalités. Une bonne loi, de bonnes formations et puis après des bonnes structures pour mettre en place. J'ai envie de dire... Oui, et probablement des gens qui, en tout cas pour le moment, le font encore sur une base volontaire, peut-être. Oui. J'ai envie motivés. De dire, en fait, oui, un environnement. Voilà, la loi, c'est un des outils. C'est créer un environnement plus favorable, et ça se fait dès l'école, hein, nous sommes bien d'accord. Hein. Et peut-être prendre l'avis des acteurs de terrain et mettre tout le monde autour de la table. Et justement, il y a deux questions très intéressantes par rapport à ce que vous veniez dire. Peut-être juste pour compléter l'information sur le fait que la loi ne suffit pas, rappelons quand même qu'au Luxembourg... la loi est bonne, bien sûr, mais on impose quand même que ce soit un gynécologue qui fasse les IVG et pas un médecin. Et on a eu un témoignage justement hier, parce qu'on était à Chimay, de personnes de centre de planning de Rochefort qui disaient qu'elles avaient plein de femmes luxembourgeoises qui venaient se faire avorter à Rochefort, parce qu'en fait, au Luxembourg, il n'y a pas assez de gynécologues qui pratiquent l'IVG dans leur région. Donc la loi est bonne, mais en fait, il y a des écueils aussi. Donc soyons vigilants. Alors deux questions justement sur la loi, il y en a une très intéressante sur le délai de réflexion, justement par rapport aux 6 jours. Il disait, oui, c'est important de réduire évidemment le délai de 6 jours, donc c'est un médecin en centre de planning qui pose la question, mais attention à ne pas être trop, à ne pas trop détricoter le système en voulant faire cela, car les médecins en planning sont souvent présents 1 ou 2 jours par semaine, et donc le délai de 6 jours ne permet pas, si on réduit ce délai, on ne permet pas alors à la patiente d'avoir le même médecin qu'elle a eu à la première consultation. Du coup, est-ce que ça ne pose pas aussi question si on réduit le délai de 6 jours de réflexion, ce qui risque de mettre peut-être mal à l'aise la patiente? Et alors encore une autre question justement sur les propositions de loi et donc le fait que la loi ne suffit pas. Quelle place accorder à la pratique concrète des IVG dans les propositions de loi? Donc c'est vrai que les propositions que vous avez sur la table sont assez brèves. Elles sont courtes. Quelle place accorder aux femmes qui avortent dans la réflexion qui ont mené à ces propositions de loi. Est-ce qu'on a interrogé des femmes? Est-ce qu'on a interrogé le terrain? Est-ce que ce n'est pas important aussi de les amener aussi à dire leur avis sur ces textes qui en fait les concernent? Sur le délai de 6 jours, Claudine Mouvet peut-être, en planning familial, effectivement, faire attention à ce délai-là. Oui, donc nous on est partagé sur le délai de 6 jours. Alors il y a des arguments qui sont pour la suppression du délai. Il y a des femmes qui disent, écoutez madame, le jour où j'ai fait le test de grossesse, ça a été non tout de suite, c'est non, ça sera toujours non, ça restera non, le délai ne me sert strictement à rien. Le délai, le problème aussi, c'est qu'en certaines périodes de l'année, même s'il n'y a pas de pénurie, c'est vrai que ça peut nous arriver qu'il y ait 10 jours, parfois même 15 jours, entre le coup de téléphone et le premier rendez-vous. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ce n'est plus 6 jours de réflexion, c'est 3 semaines de réflexion. L'argument aussi qui serait en faveur de la suppression du délai de réflexion, c'est que dans les centres extra-hospitaliers, on fait la mifégine, donc l'avortement médicamenteux, jusque cette semaine. S'il faut attendre encore une semaine. C'est dangereux pour le délai. Certaines femmes, soit n'ont plus l'accès aux médicaments, soit sont au-delà du délai pour la Belgique et doivent aller en Hollande. Par contre, on a aussi beaucoup d'arguments pour le délai de 6 jours. Parce que nous, on se dit, et quelqu'un en parlait tout à l'heure aussi, quand vous êtes venu dans... Je pense qu'avant d'aller dans un centre, vous vous dites, mais quelle tête est-ce qu'ils ont? Comment est-ce que je vais être accueillie? Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils sont sympathiques? Est-ce qu'on va me dire oui? Est-ce qu'on va me dire non? Donc moi, je pense que le délai, c'est aussi le moment qui permet à la femme ou au couple de se dire, ben voilà, je les ai vus, j'ai mon rendez-vous tel jour à telle heure, et maintenant, pendant les 6 jours qui viennent, je n'ai plus qu'à me poser la question, est-ce que j'y vais et où est-ce que j'y vais pas? Et comme disait Corinne tout à l'heure, nous, on constate qu'il y a plus ou moins 5% de femmes qui décident de garder la grossesse. Donc, leur mettre une urgence et faire qu'elle n'ait pas le temps de se poser, avec toutes les informations, je pense que ça pourrait être dangereux. Donc par rapport à ça, le délai est important. Je pense que le délai peut être aussi important. Effectivement, nous, on fonctionne en théorie. Si vous venez à la visite d'accueil le mardi, vous aurez l'IVG le mardi suivant, ce qui vous assure d'avoir la même accueillante et le même médecin. La même équipe. Si vous venez le lundi, ce n'est pas la même équipe. Et si vous avez été vu en accueil le mercredi et que vous venez... Donc c'est vraiment une organisation par jour. Donc je pense qu'au niveau des agendas, ce serait difficile. Et que c'est vrai que nous, on tient à ça. Donc le délai nous paraît quand même avoir une série de justifications qui sont intéressantes. Maintenant, ce qu'on se disait aussi ce matin, c'est que supprimer le délai ne veut pas dire qu'on ne peut plus l'avoir. Et qu'une femme qui est ambivalente, si elle a besoin de discuter, si on a besoin de l'avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, rien n'oblige à ce qu'elle ait l'IVG. Là aussi, c'est au cas par cas. Oui, elle peut avoir l'IVG 15 jours après ou 3 semaines après si elle a besoin dans sa tête de faire ce chemin-là. Docteur Manigard. Non, moi je rejoins tout à fait Claudine, je trouve qu'il y a des arguments pour et contre, je pense, moi j'ai une expérience, je ne vais pas la raconter, mais où le délai, c'était même plus tard, a été quelque chose que j'aurais dû respecter, c'était pour envoyer quelqu'un dans un autre pays, on n'avait plus le temps. Puis j'ai revu cette dame après, je me suis dit, j'aurais jamais dû, enfin ce n'est pas à moi hein, de décider, mais si elle avait pris le délai, je pense que sa décision aurait été différente, mais voilà, c'est de nouveau une histoire de chat, je n'aime pas... Donc faire des théories là-dessus, mais j'irai même plus loin, c'est un peu spécial que je veux dire cette histoire. Si on supprime ce délai, je veux dire, nous on est dans des structures, effectivement, on n'a pas beaucoup de travailleurs, etc. J'ai peur de la concurrence avec les centres privés. C'est un truc, c'est un peu peut-être débile ce que je dis, mais je veux dire, quelqu'un, un centre dans lequel vous téléphoneriez, on vous dirait, ok, pas de souci, demain, elle vient, il y a on est incapable de faire ça. Mais je veux dire, d'autres pour des motivations financières... Pour alors installer ou instaurer un centre. Moi, je vais un peu loin, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... Voilà. C'est Oui, et je pense que la situation dont vous parlez, c'est une situation qui n'est pas connue à Liège, elle n'existe pas à Liège, mais donc il y a à Bruxelles un centre qui, ce n'est pas du tout une façon de parler de ce que disait M. Manigard tout à l'heure, c'est un centre où effectivement vous téléphonez, vous avez rendez-vous, vous payez cher, mais vous avez l'intervention directement, vos motifs on s'en fiche un petit peu, qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, on s'en fiche un petit peu, on vous déroule le tapis rouge si vous avez de l'argent pour payer. Donc je pense que c'est vrai qu'ici à Liège, on n'a peut-être pas cette conscience-là de ce risque-là, mais que l'expérience prouve que effectivement, on peut tout à fait revenir à une vision tout à fait mercantile. On vient vous chercher vénale. En voiture même. Je tiens à le signaler. J'ai relu encore ce matin. Oui, donc voilà, moi je partage tout à fait ce que tu as dit avec les nuances. Je pense que d'ailleurs nous-mêmes, parfois, on consent des exceptions à ce délai légal et il serait confortable que nous soyons autorisés à faire des exceptions. Et je reprendrai éventuellement même les motiver, moi ça ne me gênerait pas, quoi. Hein, parce qu'on arrive à un délai. Bon. Mais je pense que sinon, il y aurait un risque en effet de concurrence avec des pratiques où la qualité n'y est plus. Voilà. Et nous, on fait un accueil qui est psychomédical, non culpabilisant. Ce n'est pas pour emmerder les femmes, c'est pour s'assurer que la décision est claire. Voilà, et qu'elles sont en confiance. Et on constate que quand ça nous arrive de faire des IVG sans avoir fait l'accueil, parce que voilà, en vacances par exemple, c'est pas la même équipe, parce qu'entre centre IVG à Liège, on se contacte en disant nous on n'a pas de place avant, etc. On a fait l'accueil, mais est-ce que vous voulez bien faire l'IVG? Donc voilà, ça nous arrive. C'est moins confortable pour tout le monde. Oui. On ne se connaît pas, on n'a pas eu cette prise de connaissance, et je trouve qu'en termes de qualité de la relation et par rapport à ce qui se passe après, c'est un peu dommage. Mais donc, je pense que du côté de la femme, est-ce que vous préférez la même équipe dans 15 jours ou un IVG avec une autre équipe la semaine prochaine? Il n'y a pas photo. Mais bien sûr. Donc tout ça, c'est avec toutes les nuances requises. Hein, avec toutes les nuances requises. Maître Gillissen, et puis voilà. On va déjà bientôt devoir conclure cet après-midi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce délai, il a du sens. Voilà. Oui. Il a du sens, il répond à un besoin. Je pense que les propositions les plus intelligentes en la matière, je n'engage que moi, c'est de prévoir, et on a employé tout à l'heure le mot, l'exception. Et surtout dans les cas d'urgence. C'est surtout là qu'une intervention législative est intéressante. Cette fameuse affaire de Seva dont je parlais tout à l'heure, la mineure qu'on a dû, sur laquelle on a dû faire pratiquer une IVG hors délai, ça n'a pas de sens, évidemment. Il fallait évidemment réduire le délai. Donc là, l'intervention législative a tout à fait du sens. L'importance de l'exception. Est-ce qu'on a le temps Il reste 6 minutes, on va laisser Sylvie peut-être conclure, dire le mot de la fin ou aller chercher le mot de la fin. Oui, il me semble que quand même on a abordé beaucoup de questions. Je pense que l'objectif de la journée, c'était ça, c'était de faire aussi revenir du terrain les questions qu'on se pose, de comprendre, de contextualiser cette revendication, de voir quels sont les avantages de cette revendication législative, quels sont peut-être aussi les risques. Donc notre objectif, à la suite de ceci, c'est de publier une brochure qui sera disponible début mars, puisque nous avons encore une rencontre au Sénat. C'est d'ailleurs Madame la Présidente du Sénat qui nous accueillera le 27 janvier. Donc c'est une rencontre politique cette fois, avec des députés fédéraux belges et deux députés, un député luxembourgeois et un français qui vont venir nous expliquer comment ils ont réussi à sortir l'avortement du code pénal ou bien de consacrer le droit à l'IVG en ce qui concerne la France. Donc cette rencontre aura lieu donc le 27 janvier au Sénat. Et à la suite de ça, la rencontre de Bruxelles du mois de septembre, celle-ci et celle du Sénat, seront synthétisées dans un document qui sera ensuite remis à tous les groupes politiques afin de pouvoir initier réellement alors un débat au Parlement. En tout cas, c'est ce que nous espérons. Je vous remercie au nom du CAL Liège. Oui. Il y a encore une intervention. Oui, je vais dire, Claudine. On a beaucoup parlé de l'international et moi je voudrais bien qu'on termine aussi sur un point un peu positif. Donc je voudrais vous dire qu'en Pologne, on a voulu retirer l'IVG et que la rue a fait qu'il y est revenu. En Espagne, on a voulu faire marche arrière et la rue a fait que l'IVG est resté autorisé. Pour le moment, Turquie, Erdogan voulait qu'on autorise le mariage des femmes violées et la rue a fait qu'on a refusé. Donc ne baissons pas les bras, c'est aussi à nous de nous mobiliser. Continuons le combat. Un petit coup de pub. Je voulais peut-être, pour ceux qui voudraient, un superbe dossier dans Espace des Libertés, publié par le CAL, du mois de septembre, il y a 2 mois. C'est encore disponible sans problème. Sylvie, pour dire au revoir. N'hésitez pas non plus à remplir le formulaire d'évaluation, s'il vous plaît. Vous pouvez le remettre en sortant là-haut. Donc la sortie se fait par en haut et nous vous attendons pour le verre de l'amitié. Un tout grand merci pour votre participation à tous, merci à les tous. Intervenants et le public. Merci.